pour démarrer la journée avec vous. Soyez les bienvenus, c'est les moins moins du matin. On va écouter Georges Ezra dans deux minutes. Il y aura aussi Cub Black. Complètement sonné, elle voudrait qu'on le fasse, mais je suis sonné. Yo. Ouais. Mais avant tout ça, voici les infos. Toute l'actu avec Jean-Charles Gaucher. Salut Manu, bonjour à tous. Ça reste très compliqué dans le sud-est avec beaucoup de pluie encore aujourd'hui. Retour au calme prévu dans la matinée, mais pas avant 3 ou 4 heures près de la Méditerranée. Sinon, cet après-midi, une nouvelle dégradation orageuse arrivera cette fois sur l'ouest. De l'autre côté du pays, le soleil devrait briller jusqu'à ce soir pour la moitié est, de Paris à Chambéry, en passant par Nancy, Lille et Lyon. Les températures sont assez stables et assez douces. 22 au Mans et Toulon, comptez 23 à Sedan. 5 départements restent donc en vigilance orange. Ce matin, la Corse tout entière, les Bouches-du-Rhône, les Alpes-Maritimes, mais aussi le Var, là où les pluie cause le plus de problèmes, des inondations, des cumuls hallucinants en seulement quelques heures, par exemple près de Sainte-Maxime depuis hier. Les autorités demandent d'éviter des parkings souterrains et de monter vers un point haut si vous habitez près d'un cours d'eau. Une personne est portée disparue ce matin après que son véhicule ait été emporté par les eaux. Ça devrait se calmer en tout cas dans la matinée. Du jamais vu depuis 50 ans aux États-Unis maintenant, l'ouragan Michael, le plus violent depuis un demi-siècle, a surpris tout le monde là-bas, même les spécialistes. Il s'est formé ce week-end au large des côtes avant de frapper la Floride hier et cette nuit. Des vents de 250 km/h ont été enregistrés, même s'il commence à perdre de la puissance en traversant les terres. Il y a de nombreux dégâts, une personne a été tuée. Les risques du métier, en ville ou à la campagne, on en voit de plus en plus. Le business de la trottinette cartonne. En revanche, les amateurs ne sont pas toujours assez prudents. Le nombre d'accidents est en augmentation, avec 23% de blessés en plus sur un an, selon les chiffres de la sécurité routière. Certains modèles électriques peuvent quand même rouler jusqu'à 40 km/h. Il est donc fortement recommandé de mettre un casque avant de se lancer. Du foot, un match des Bleus ce soir. Les champions du monde affrontent l'Islande en amical à Guingamp. Coup d'envoi à 21h avec sans doute Kylian Mbappé en attaquant de pointe. Une bonne préparation avant la rencontre officielle, cette fois face à l'Allemagne au Stade de France mardi en Ligue des Nations. Et puis justement, on est à 2 mois et demi de Noël. Le bon moment pour commencer à faire sa liste de cadeaux. Pour vous aider, la Fédération française des industries du secteur vient de dévoiler son palmarès des meilleurs jouets cette année. Palmarès établi par des journalistes, des parents, mais aussi des enfants, bien sûr. On retrouve par exemple l'édition tricheur du Monopoly, la voiture connectée Active Racer de Lancet ou encore le dernier pistolet à fléchette Nerf. Puisqu'on parle des fêtes, la SNCF ouvre dans un quart d'heure les réservations pour la période de Noël, dans un quart d'heure. Des billets à vendre à prix réduit au départ donc pour les TGV, les Ouigo ou encore les Intercités. Allez, avis aux fans de binge-watching légal. La fête de la VOD commence ce jeudi. 4 jours de promo sur la plupart des plateformes de vidéo à la demande. 2€ seulement la location, 5€ pour l'achat d'un film. Ça dure jusqu'à dimanche inclus. Et en ce moment, il y a par exemple le dernier Avengers ou encore Deadpool et Solo à l'affiche. L'an dernier, le marché de la VOD a explosé de plus de 30% rien qu'en France. 6h02, c'est la fin de ce flash. Jeudi 11 octobre, bon réveil avec Manu dans le 6-9 sur NRJ. Bonne journée. Salut, salut. Bonjour Paulette. Hello la France. Bonjour Glandu. Pleine forme. Bonjour Nico. Bon jeudi. Et bonjour papa. On va la bouffer cette journée. Allez, ça commence. Soyez les bienvenus, oui, cette journée nous allons la manger. Journée nous allons la gloutonner. Okay. On est jeudi, c'est le 11 octobre, soyez les bienvenus. Il y a Georges Ezra qui arrive dans deux minutes. Juste après, même si vous dites que votre journée démarre mal, même si vous dites que la vie c'est galère, ouais, dites-vous qu'il y a toujours pire que vous. La preuve avec les concours du jour. Des gens improbables qui font des choses improbables. Ça arrive dans 5 minutes pour vous. Pour démarrer cette journée, qu'avez-vous envie de partager avec nous? Allez, on y va, Isabelle. Moi je me sens vraiment super héros ce matin. Parce que hier soir à la boulangerie, en fait, elle allait juste fermer. Il restait 2 demi-baguettes. Derrière moi, il y avait un vieux monsieur. Et on est 5 à la maison quand même. Hein. Et ben, j'ai pris qu'une demi-baguette et je lui ai laissé l'autre. Oh, voilà, donc, c'est beau. Ah, ouais. Grâce à toi, il y a une personne âgée qui a pu avoir sa demi-baguette. Ouais. Et à cause de toi, tes enfants n'ont pas mangé. C'est ça, super. Écoute, c'est des choix de vie. Hein. C'est ça. Paulette, que a de neuf dans ta vie? Et ben, hier soir, moi, j'ai failli prendre une leçon de vie. Ah. Failli prendre une leçon de vie. Ah, voilà. J'ai failli. En fait, j'avais rendez-vous avec C'est un peu la vie de Paulette. Hein. Oui, c'est ça. Elle a failli réussir des trucs. Mais j'avais rendez-vous avec un copain. Et pour me donner en fait une leçon, parce que vous savez, j'ai un petit problème avec le retard. C'est pas un petit problème que t'as avec le retard. Même le retard, il en a marre. Il en a marre de moi. Ouais. Il est arrivé 30 minutes en retard au rendez-vous qu'on avait pour rentrer dans la soirée. Pour te montrer ce que ça faisait. Ouais. Ah, alors ouais. Bah, j'avais 42 minutes de retard. Non, ça devient compliqué. Tu as dit, ça lui a fait que 12 minutes d'attente du coup. Moins d'attente que les 42. Mais petit à petit, le monde va t'abandonner, je pense. Si à chaque fois t'arrives en retard, je pense qu'on va plus t'appeler du coup quand on va faire des trucs parce qu'on sait que tu ne viendras peut-être plus. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'au début, quand on a connu Paulette, elle avait 10 minutes de retard. Ouais, ouais. Et plus ça va, plus le retard augmente. C'est 15 jours, tu vas vouloir partir en vacances avec Paulette, elle va arriver quand toi tu reviendras. Tu partiras. Mais bon. Nico, quoi de neuf dans ta vie? J'ai une annonce à vous faire. Manu, est-ce que tu as une musique de Noël par hasard? De Noël? Ouais, j'en ai besoin là. J'ai des musiques de Noël. Oui. Voilà. Oh, c'est dur ça. Ouais, c'est mal ça. C'est dur les musiques de Noël quand c'est pas Noël. Hein. C'est dur, mais elles sont là, Manu. Qui? Elles commencent à nous envahir. Les décos de Noël. Ah, j'en ai pas vu encore. Ah, j'en ai vu moi ce matin, moi. Ah, ce matin, dans une des rues à côté de chez moi, quand je suis parti, j'ai vu qu'ils commencent déjà à installer des décos de Noël. Ils sont fous, on est début octobre. Et en plus, il fait beau partout. Mais oui, partout. Tu sais pas pourquoi ils font ça? Il fait beau, laissez-nous profiter un petit peu encore. Ouais. C'est les, pas cool, hein. Les décos de Noël en octobre, c'est dur. En plus, il y a Halloween avant. Et oui, c'est trop bizarre. Moi, je parlais avec un monsieur dans le bus hier, il m'a encore dit, mais 23 en octobre, c'est dingue, on est en été. T'as des super discussions. C'est dingue. Hein. Paulette, non seulement elle est toujours en table, en plus elle a des discussions d'alcoolique sans boire un verre. C'est impressionnant. Glandu, qu'as-tu envie de partager avec nous ce matin? Moi, je me suis rendu compte une nouvelle fois que ma curiosité n'a pas de limite. Ah. Puisque hier, je vais refaire une clé chez le serrurier. Génial. Serrurier qui est aussi cordonnier. Oui, très souvent les serruriers ils font aussi les chaussures. Exactement. Et mais, donc, mais c'est rare qu'on aille vraiment réparer ses chaussures. C'est pas, moi je vais jamais chez le cordonnier, mais. Ah bon? Bah tu vois, vous allez y aller vous? Bah oui, bien sûr. Ouais. Bah nous on a des petits talons et tout, ouais, faut les faire refaire, tu vois. Ah ouais. J'ai pas de talons. Ouais, c'est pour ça. Toujours est-il que je lui pose la question. Mais pourquoi vous faites les deux? Pourquoi vous faites toujours les deux? Mais c'est une bonne question. Pourquoi les serruriers sont cordonniers alors qu'il n'y a aucun rapport entre une clé et des chaussures? Alors, il s'en est sorti avec une pirouette, il me dit c'est pour les chaussures à serrure. Donc il m'a fait une petite blague, j'ai ri poliment. Il fait pas one man show, il est serrurier. Laisse-lui quand même ça. J'ai ri poliment et cette blague ne m'ayant pas apporté satisfaction, je suis allé sur internet chercher pourquoi. Ah. Et en fait, je vais vous dire pourquoi. C'est assez drôle, c'est que c'est une coïncidence chronologique. En fait, c'est-à-dire que quand les chaussures industrielles sont arrivées, donc les cordonniers ont eu moins d'utilité, et bah exactement au même moment, les serrures à cran sont arrivées en France. Hein? Et donc les serruriers se sont dit, ah, on a des machines qui peuvent servir aussi à faire des serrures à cran. Vu que les chaussures ne nous rapportent plus d'argent, on va faire des serrures. Parce que les machines pouvaient faire les deux en fait. Ouais, exactement. Les machines pouvaient servir un peu aux deux. Bravo Glandu, c'est magnifique ce café. Non mais c'est très beau. Non mais je salue ce courage. Il est allé chercher l'information jusqu'au bout. Bah, merci, tu vois, il s'est concentré. Non, vraiment, c'est. Merci. Isabelle. Oui. Ça se voit que t'as envie qu'il y ait une petite histoire entre vous. Mais c'est joli, c'est joli. Les concours du jour arrivent dans 3 minutes sur Énergie, juste après Georges Ezra. Soyez les bienvenus, c'est Manu dans le 6-9. Homegrown alligator, see you later. Gotta hit the road, gotta hit the road. The sun ain't changing the atmosphere. Architecture unfamiliar, I could get used to this. Time flies by in the yellow and green. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. We're south of the equator, navigator. Gotta hit the road, gotta hit the road. Deep sea diving round the clock, bikini bottoms, lager tops. I could get used to this. Time flies by in the yellow and green. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath. Two in the front, two in the back, sailing along.

vérifie. Et tout de suite, quand on met La Chèvre et Maître Gims, on se dit, tiens, ça marche bien. Il est passé à côté d'un truc. C'est sûr. Attention, on continue. On part un petit peu plus loin maintenant. Mais Julie. Génial. Et les Spice Girls, elles vont bientôt se réunir normalement, mais je crois qu'elles ne seront pas toutes. Et pourquoi elles ne prendraient pas une chèvre avec elles? Alors, ça sent bien. Attention, on continue. Julie, oui. Troisième oui. blind test d'une fille qui imite une chèvre qui chante une chanson. Charles Évidemment, c'était un hommage que la chèvre voulait rendre à Charles Aznavour. C'est le meilleur hommage. C'est un hommage. Alors, c'est bien sûr, ça doit lui faire bien plaisir. Bien sûr. Ouais. Il peut revenir pour me mettre une gifle. On continue. Attention. Mais attends, mais Julie, ouais, c'est méga fort, c'est trois cafés gourmands. Attention, on va en faire un dernier. Allez. Là, nous partons loin. Loin. C'est le dernier. Julie? Aucune idée, alors là, je vois pas du tout. Ça se complique. On fait moins la valise. Un petit peu moins, j'avoue. Isabelle? La petite bille. Let it be les Beatles. Et vous savez quoi, honnêtement, franchement, John Lennon, il chantait pas si bien que ça. Écoute ça. Julie, merci beaucoup d'avoir été avec nous. T'as été excellente. Merci, c'est gentil. Merci à vous. Bon jeudi. Profitez bien. Belle journée à tout le monde. Merci, on était contents de passer sur ta radio. On t'embrasse, Julie. 6h25, on revient tout de suite. On va écouter Vita et Slimane. Il y aura une nouveauté énergie. Peut-être que ça vous dit quelque chose. Bien sûr. Ozone. Génial. Et bien Ozone, ils ont ressorti, enfin c'est un des mecs d'Ozone qui a ressorti ce titre là, remixé. Génial. Il a rajouté des trompettes quoi. C'est la fête. C'est un peu ça. Puis c'est pas le mec qui a le plus d'idées au monde quoi. Du coup il recycle. Il a fait un titre et voilà. Il a raison. Allez, tout de suite. Bienvenue sur Énergie. Et vous me faites rigoler. Continuez comme ça, le réveil le matin. Tu sais, je suis pas très docile. Sur Énergie. Vos stars préférées reviennent tout à cœur. Le 10 novembre. Pour la plus grande cérémonie musicale en Europe. Votez maintenant pour vos artistes préférés sur énergie.fr. Le Crédit Mutuel donne le la aux Energy Music Awards avec Rifix.fr. Le 10 novembre à Cannes, en direct sur TF1 et Energy. It's music only. Leclerc. Gisèle, est-ce que vous connaissez ce vin? AOP Saint-Joseph, le Ténébreux 2017, je devrais. C'est l'un des incroyables de la foire au vin Leclerc. Moins de 12 euros la bouteille, avec de la viande ou du fromage, c'est l'accord parfait. À partir du 2 octobre chez Leclerc, la bouteille AOP Saint-Joseph, le Ténébreux 2017 de 75 centilitres est à 11,90 €. Voir modalité dans les magasins participants et sur www.macaf.leclerc. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Vous avez le don tous les ans pour trouver des vins incroyables à des prix. Sélection Leclerc, créateur de la foire au vin. Mylène Farmer. Après 6 ans d'absence, elle revient enfin sur scène dans un lieu unique, Paris La Défense Arena, pour 6 concerts exceptionnels. Mylène Farmer en concert à partir du 7 juin 2019.

Une personne portée disparue dans le Var, l'un des quatre départements en vigilance pluie inondation ce matin. La victime a été piégée dans sa voiture hier, emportée par les eaux. Les autorités demandent donc de ne pas descendre dans les parkings souterrains, notamment aujourd'hui. Et il va pleuvoir encore quelques heures donc sur les Alpes-Maritimes et la Corse, en vigilance également. Soyez très prudents, les cumuls sont hallucinants. On est environ 300 millions à travers le monde, 300 millions de personnes qui parlent le français selon les chiffres dévoilés hier. C'est 10% de plus qu'il y a 4 ans. Le français se classe en fait au 5e rang des langues les plus utilisées sur la planète, derrière le chinois, l'anglais, l'espagnol et l'arabe. Ça devrait encore progresser dans les prochaines années grâce à l'Afrique notamment. Premier arrivé, premier servi, les ventes de billets pour la période de Noël ont ouvert ce matin sur le site de la SNCF. Plus vous arrivez tôt, comme d'habitude, plus vous avez de chances de payer moins cher. Des superstars, 15 000 fans ont assisté à l'entraînement des Bleus hier à Guingamp. C'est là que les champions du monde joueront en amical ce soir face à l'Islande à 21h. Un match de préparation pour la rencontre de Ligue des Nations mardi à Saint-Denis contre l'Allemagne. Il pourrait presque faire une révolution avec ses millions de fans. Bastille prépare tout doucement son retour avec une tournée et un troisième album dans les cartons pour 2019. D'ici là, le groupe anglais nous fait patienter avec Happier, un single riche en influence à l'image de sa musique, Morgan Barthélémy. Oui, une réussite collective, mais à l'origine un seul membre, le chanteur Dan Smith, né un 14 juillet, notre fête nationale, le Bastille Day, comme on dit chez lui en Angleterre. Avec sa voix à la fois délicate et puissante et son talent pour la composition, il s'entoure très vite de musiciens venus du rock, du hip-hop et même de la scène électro. Un véritable melting pot musical qui fait aujourd'hui l'identité du groupe. À mi-chemin entre Imagine Dragons et les One Republic, Bastille fait évoluer son univers au gré de ses collaborations avec Rag & Bone Man ou plus récemment avec le DJ Marshmello sur Happier. En 8 ans de carrière, les Britanniques ont aussi conquis le public en dehors des salles. Des séries Teen Wolf et Vampire Diaries, aux jeux vidéo comme FIFA et PES, leurs titres se sont fait une place dans la culture populaire. De quoi les aider à remplir tranquillement le Zénith de Paris en mars prochain. Voilà, et Bastille sera en tournée mondiale avant la sortie de son troisième album, Doom Days, attendu au printemps. 6h33, c'est la fin de ce flash. Bon réveil, bonne matinée, on est jeudi 11 octobre. Comme d'habitude, vous retrouvez Manu dans le 6-9 et nous on se retrouve dans une toute petite demi-heure pour le prochain point sur l'actu. Bonne journée. Soyez les bienvenus dans ce jeudi, c'est le 11 octobre. Tout le monde est là, les ouin-ouin du matin sont frais, pimpants. Enfin, présents en tout cas. Il y a Isabelle évidemment. Pimpante, bonjour. Nico est là. Ouais, pimpant aussi. Hein. Ben, pimpant à toi. Paulette évidemment. Pimpante aussi. Glandu aussi. Pump it up. Pump it up, années ouais. 90. Ah ouais. Tout le monde est là. N'hésitez pas à nous rejoindre vous aussi. Il suffit de nous appeler au 0870 42 48. Il y a les réseaux sociaux aussi, il y a Facebook, il y a Twitter. Et puis il y a l'application. Yes. L'application Manu dans le 6-9 qui vous permet de nous envoyer des messages vocaux à ouais. tout moment. Vous pouvez les envoyer pendant l'émission, vous pouvez réagir à tout ce qu'on dit, vous pouvez les envoyer dans la journée. Ouais. Et on les écoute pendant toute l'émission. Vita et Simon arrivent. Avant ça, quelques infos. On est le 11 octobre aujourd'hui. Mmh. On a une journée mondiale. Ah. Ah. C'est la journée mondiale des filles. Oui, des filles. Journée mondiale des filles. Okay. En plus du 8 mars, le 8 mars, c'est la journée des femmes. Mais oui. Il vous les faut toutes. Bon, deux petits jours, ça va, ça vous dérange pas trop? Honnêtement, si. Mais c'est tous les jours la journée mondiale des filles. Oula. Apparemment non. Ah mon Dieu. Ma Paulette. Oui, on y croit. Bah oui, on lutte. Ouais. Nous avons l'anniversaire aujourd'hui. L'anniversaire de Jean-Jacques Goldman. Ah ouais, Jean-Jacques. 31 ans. Non. Il a 67 ans. Alors, ce qui est incroyable, c'est qu'il est toujours la personnalité préférée des Français. Ouais. C'est fou, dingue. C'est dingue. Ouais. Mais pourtant, on le voit pas. Enfin, je veux dire, il est jamais là, ni en télé, en interview, dans les journaux. C'est bizarre. Alors, le truc, c'est qu'on est en 2018. Il n'a plus rien fait depuis 2001. Ouais. Voilà. Ça fait 17 ans qu'il n'a plus sorti d'album. Les gens l'adorent. Ouais, mais il est derrière un paquet de chansons françaises aussi. C'est peut-être pour ça, quoi. Mais on le sait pas. Ah si, mais si, attends, ça a été dit dans plein de trucs. Il a fait les trois quarts des hits de Céline Dion, il a bossé avec Cabret, il a bossé avec plein de gens. Ah ouais. Ouais. Ok. Ah c'est Gigi, quoi, c'est plus fort. Non mais de là à devenir la personnalité préférée des Français. Ouais. C'est dingue. Parce qu'il a bossé avec Céline Dion, franchement. Ouais. Ah, après, ça se trouve, c'est lui qui fait le sondage. Hein. Ça, on sait pas. Alors, en tout cas, moi, je dis, 17 ans sans rien faire, personnalité préférée des Français. Franchement, pour nous, c'est un sacré espoir. Ah, c'est 6h36, dans 3 minutes, c'est les sondages du matin qui arrivent, comme chaque jour pour vous. Sachez que si vous commencez un SMS par cette phrase, pour proposer un premier rendez-vous, il y a 36% de chances pour qu'on vous dise non. Ça va intéresser tout le monde. Ouais. La réponse à la question, la phrase en question, je vous la donne dans 3 minutes. J'aurais bien aimé le savoir avant, moi, aujourd'hui, du coup, cette info. Ah oui, bah, tu le sauras pour après. Oui, voilà. Ça veut dire que tu t'es pris un râteau hier soir ? Non. Vita et Slimane, tout de suite, juste avant les sondages du matin. Soyez les bienvenus, on est jeudi, c'est le 11 octobre, on démarre la journée ensemble. Je ne sais pas faire, j'ai beau mentir, tout me ramène à toi. Je ne sais pas faire quand t'es pas là. Je ne sais pas faire, j'ai beau sourire quand on parle de toi. Je ne sais pas faire quand t'es pas là. Je n'ai plus rien à perdre, rien à gagner. Je n'ai plus de peine, plus rien à pleurer. Rien c'est déjà trop, tout me semble faux. Quand t'es pas là, ça ne compte pas. Quand t'es pas là. Sans un signe, plus rien de nous deux. Je reste digne même si ça fait mal. Quand t'es pas là. Quand t'es pas là. Tout me ramène à toi. Je ne sais pas faire quand t'es pas là. Je ne sais pas faire. J'ai beau sourire quand on parle de toi. Je ne sais pas. Attention les amis, Ozone est le retour. Et là vous dites, oh mais ça c'est un vieux titre. Non, c'est le nouveau. Ouais. Et c'est pas une vanne. Un des mecs d'Ozone a remixé, je sais même plus comment ça s'appelait le titre. C'est Dragosta Lintay. Là ils sont pas pêchés, ils ont appelé ça Numa Numa. Parce que c'est le truc qu'on connaît. Numa Numa. Le mec est vraiment détente, il a besoin d'argent, hein, clairement. Voilà. Ça arrive pour moi, s'écouter dans 3 minutes. Avant ça, voici comme chaque jour les sondages du matin. Yes. Si vous commencez un SMS par cette phrase pour proposer un premier rendez-vous, il y a 36% de chances pour qu'on vous dise non. Quelle est cette phrase? Quel est ce début de phrase? Quels sont ses premiers mots? Nico? Kikou? Non. C'est pas ça. Paulette? Hey poulette. Hey poulette, c'est pas ça non plus. C'est une façon de dire bonjour ou pas du tout? C'est pas une façon de dire bonjour, c'est vraiment une façon de commencer une phrase. Je sais que tu vas dire non, mais... Non, c'est pas ça. Je sais pas ce que t'en penses, mais... Non. C'est un truc positif, genre un compliment ou pas? Non. C'est deux mots. Voilà. Mais c'est une expression. Si vous commencez une phrase pour proposer un premier rendez-vous par cette expression, il y a 36% de chances pour qu'on vous dise non. C'est quelque chose de pédant? Non. Pas du tout. Okay. Ce n'est pas pédant. Je vais vous donner la réponse. Ouais. Ce sont les mots « excuse-moi ». Comme « excuse-moi de te déranger », mais... Oui. bim, et vous perdez déjà 36% de chances que la personne dise non, dise oui. Et comme, excuse-moi, j'ai pas voulu liker ton profil, par exemple. Voilà. Là, du coup, voilà. Donc, moralité, ne vous excusez jamais. Non, non, non, non, non. 5% des gens sont incapables de faire ça. Ils sont incapables de faire quoi? C'est quelque chose de physique. Glandu. De siffler. Non, c'est pas ça. De toucher leur nez avec leur langue. Ah non, non, c'est, non, 5% des gens. Non, c'est impossible ça. Ben non, ben donc ça marche pas. 5% des gens sont incapables de faire ça. Ah bah oui, pardon. C'est pas grave. C'est parce que je suis pas très logique, moi, c'est pour ça. Oui, bah, ouais. C'est quoi? Alors, ne le prends pas mal, hein. Ouais. Mais ça se voit. Pardon. Nico, il faut être souple pour le faire ou pas du tout? Non, pas spécialement. Ah. De loucher? Non. 5% des gens sont incapables de faire ça. C'est-à-dire que tout le monde sait le faire. Hein. Faire un rond avec sa langue, là. Non, tout le monde sait le faire. Ouais. Quelque bah oui, chose que tout le monde sait le faire. Ouais. Mais 5% des gens sont incapables de le faire. Claquer les doigts? Claquer les doigts, absolument, ah, c'est bah, ça. Bravo. Ah ouais, bah ouais. Et bah voilà, claquer les doigts, ouais. Ah, c'est facile, ça. Ouais, Isabelle. Bah moi, ça glisse et ça fait pas de bruit. Essaye. Ah mince. Non, non, non. Ouais. Ça glisse, ça glisse. C'est, ouais. Je sais pas le faire. Bah, tu fais partie des 5% de gens qui savent pas le faire. Ça. Oh là ouais. Là. Oh là là, tu ralentis. Ça va, vous m'aimez encore quand même. Honnêtement, on trouve sympa. C'est la chose que les femmes ont le plus de mal à jeter. D'après vous, c'est quoi? Attention, Isabelle. Les restes de nourriture. Non, c'est pas ça. Photos de leur ex. Non plus. C'est un rapport avec leur ex ou pas du tout? Non, absolument pas. Ah. Non, non, non, non. Leur maquillage. C'est pas leur maquillage. Leurs fringues, leurs vieilles affaires un peu trouées. C'est pas considéré. Alors si tu dis à une fille que c'est des fringues, elle le prend très très mal. Ah bon? Oui. Ah, des chaussures, non? Exactement. Ouais. Ah. Leurs chaussures mortes. Oh là mortes. Les chaussures. Bah oui, les chaussures foutues quoi. Ouais, ouais, ouais. Et ben c'est la chose que les femmes ont le plus de mal à jeter. Ouais, ah. Mais j'ai un sac à chaussures mortes comme tu dis. Mais je le garde, tu vois. Parfois je les ressors, je fais ah ça c'était bien, c'est quand j'étais là-bas et ça c'est quand j'étais. Mais je les garde. Là, non, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle fait pareil avec les ex. Hein. J'ai un sac à ex morts. Oh. Horrible. 6h43, les sondages du matin reviennent demain à la même heure. Voici une nouveauté énergie. Vous vous souvenez d'Ozone? Et bien ils sont de retour. Avec quoi? Avec le même titre qu'ils ont remixé. C'est maintenant pour vous. Et juste après, on va parler des choses qu'on fait dans les hôtels, mais pas chez soi. J'ai eu une vision hier soir. Dans 3 minutes sur énergie. Tell me what's up. That new numa numa is ready to drop. I do what your body won't say, nah nah. We don't need much, I'm all right. Ooh, mama, yeah, I mix that waist with the rhythm. With just her a cappella. Shout to the world, you know this for everyone. Bon réveil sur Énergie, il est 6h45. Dans 20 minutes, nous allons doubler votre salaire. Ouais. Il suffit de vous inscrire sur énergie.fr ou Manu dans le 69.com. On va écouter VG Dream. Avant ça, une question simple que je vous ai posée il y a 5 minutes. Qu'est-ce que vous faites dans un hôtel, mais pas chez vous? 0870 42 48, vous pouvez nous appeler. Je me suis rendu compte hier, ne me demandez pas pourquoi, parce que des fois j'ai des flashs. Le seul endroit dans le monde où je mets un bonnet de douche, c'est à l'hôtel. Mais même pas pour prendre la douche, c'est parce qu'il est là. Parce qu'il y a des bonnets de douche et que j'en mets jamais. Et je me dis, tiens, c'est rigolo. Et je mets ça. Mais je ne le fais que dans un hôtel. Mais Manu, je t'en supplie, fais un petit selfie la prochaine fois, tu le publies et tout, on veut voir ça. Avec plaisir. Génial. Alors là, avec plaisir. Ça, c'est du bonheur pour tout le monde. Attendez, vous savez, si c'est que ça, que vous... franchement, s'il n'y a que ça pour vous rendre heureux, considérez que c'est fait. Merci. Il y a les Energy Music Awards le 10 novembre prochain. On sera à l'hôtel. Je prendrai une photo de bonnet de douche. J'ai cru que t'allais aller sur scène avec le bonnet de douche. Je peux le faire aussi. Ne me chauffez pas. Qu'est-ce que vous ne faites que dans les hôtels et jamais chez vous, Nico? Moi, je regarde TV 5 Monde. Ah oui, c'est vrai. Parce que cette chaîne, je sais même pas si on l'a nous sur le box classique et elle y est à chaque fois à l'hôtel. Mais tu sais quoi, c'est tellement vrai. Ouais, c'est vrai. Quand tu pars à l'étranger, c'est la chaîne souvent française et tout que tu peux trouver. Et c'est trop bien, c'est un repère quoi. Et il y a des fois, t'as pas beaucoup de chaînes dans l'hôtel, tu zappes, mais t'as toujours TV 5 Monde. Et c'est en boucle, hein. C'est en boucle. Tous les quarts d'heure, ils disent la même chose, t'as les mêmes interviews, les mêmes trucs, mais tu gobes. T'es là et tu perds beaucoup de temps et tu visites pas la ville. Mais t'es dans un hôtel et t'es bien, il y a la télé. Je pense que les mecs qui ont fabriqué les hôtels, ils ont fabriqué TV 5 Monde pour se dire au moins là, les gens regarderont. Qu'est-ce que vous faites dans les hôtels que vous ne faites pas chez vous, Glandu? Moi, je me fais un petit déj au lit. C'est le seul endroit où je commande mon petit déj et je me le fais dans le lit, sinon je déteste ça en temps normal. Bah, disons, chez soi, c'est compliqué de commander un petit déj. Ouais. Je suis seul. Ou alors, c'est vraiment que t'as un niveau de vie là. Là, c'est plus la même catégorie. Charlène, bonjour. Bonjour Manu, salut toute l'équipe. Salut. Salut. Bienvenue sur Énergie. Qu'est-ce que tu fais dans un hôtel que tu ne fais jamais chez toi? Eh ben, moi, je fais mon lit, en fait, pour que la femme de ménage pense que je suis une fille ultra carrée, quoi, alors que chez moi, en fait, je le fais pas du tout. Voilà. Mais tu sais quoi, Charlène? Dans les hôtels, chez toi, tu peux laisser tout en bordel, tu t'en fous. Dans un hôtel, comme tu sais qu'il y a quelqu'un qui va venir ranger, tu te dis, faut qu'elle ait une bonne image de moi. Donc, c'est vrai qu'il y a ce côté-là. T'as une bonne image de toi, mais tu ne la verras jamais, cette personne qui va avoir une bonne image de toi. Oui, mais elle peut dire quand même, pour elle, tu seras toujours le Cradoc de la 204. Et moi, ça me gêne, je suis comme Charlène. Merci de nous avoir appelé, Charlène. Paulette, qu'est-ce que tu fais dans un hôtel, mais pas chez toi? Je me lave avec des savonnettes. Alors que chez moi, j'utilise toujours du gel douche, mais là, il y a les petites savonnettes et je frotte et en fait, je fais, oh, c'est pas mal. Tu as répondu à la question. Quel est le mot que tu n'utilises jamais mais que tu vas utiliser maintenant? Le mot savonnette. Très bien, tu te laves avec une petite savonnette. Qu'est-ce que vous faites dans les hôtels mais pas chez vous? Jérôme, bonjour. Salut Manu, salut l'équipe. On t'écoute. Moi, je me promène en peignoir dans la chambre d'hôtel. Alors c'est une chose que je fais jamais chez moi, quoi. C'est vrai. Quand il y a un peignoir à l'hôtel, tu le mets. Ah ouais, c'est vrai. Tu le mets et tu mets les deux mains dans les poches devant et t'avances comme ça. comme un lord. Ouais. Merci de nous avoir appelé, Jérôme. Isabelle, qu'est-ce que tu fais dans les hôtels que tu fais pas chez toi? Alors dans certains hôtels, il y a plein de chaînes de télé, tu vois. Et alors moi, mon grand kiff, c'est vraiment de les faire une par une jusqu'au bout et de faire la boucle et de revenir à la une. C'est magique. Et pendant ce temps-là, son mec à côté attend. 6h49, à 7h05, on double votre salaire. Et tout de suite, c'est VG de Rime sur Énergie. Bon réveil. Ça, c'est VG de Rime de Gagno. Quand ça ne marche comme Samuel, me dit. Quand ça ne marche comme Samuel, me dit. Si y a trop, on peut toujours appeler Benjamin Mendy. Si y a trop, on peut toujours. je suis gaucher ou droitier, je tire des deux pieds. Ousmane Dembélé. Je sais plus si je suis gaucher ou droitier, je tire des deux pieds. Ousmane Dembélé. Ramener la coupe à la maison. Allez les bleus, allez. 20 ans après c'est le moment. Allez les bleus, allez. Ramener la coupe à la maison. Allez les bleus, allez. 20 ans après on est champion. Allez les bleus, allez. Comment ils s'appellent? Grandé, N'Golo, N'Golo, Grandé. Maestro Kipembe, Kipembe, Kipembe. Les milieux d'assurés attaquent en défense pour l'or. Polo, Paul, Pogba. La pioche pour l'or. Polo, Paul, Pogba. Ramenez sur Énergie, 6h52. À 7h05, on va doubler votre salaire. Et attention, tout à l'heure à 8h05, on va aussi doubler votre salaire, sauf qu'on vous appellera pas. Ouais. À 8h05, oui. J'ai commencé ma phrase et je l'ai terminée. À 8h05, on ne va pas vous appeler pour doubler votre salaire, on va venir directement chez vous. C'est quelque chose qu'on fait de temps en temps et nous allons le faire tout à l'heure. Ça se passera à 8h05. Si vous vous êtes inscrit sur énergie.fr ou malu dans le 69.com pour qu'on vous double votre salaire, et eh ben on va peut-être sonner chez vous tout à l'heure à 8h05 pour vous annoncer qu'on double votre salaire. Notre conseil, restez en pyjama. Ouais. Ah ouais. Ça se passera à 8h05. Mais rangez un petit peu quand même. Ouais, hein. C'est là ça. Vous avez une heure là. Mettez tout sous le canapé discrètement. Les Maroon 5 arrivent dans deux minutes. Avant ça, nous allons parler politique. Ah. Parce que s'il y a bien une émission que tout le monde écoute pour notre analyse politique, c'est la nôtre. Ah bah c'est vrai. C'est l'info que tout le monde attend. Hein, en plus, vraiment, depuis le début de la semaine, le nouveau gouvernement. Ouais. Oh, ouais, ok. Ouais, on doit énorme. Avoir un nouveau gouvernement avec des nouveaux ministres. Le fameux remaniement. Ouais. Alors, ça devait être lundi ou mardi. C'était pas lundi, c'est donc pas mardi. Ça a été reporté à mercredi. Oh là. Et hier, on nous annonçait que finalement, ce serait pas jeudi, mais donc vendredi, voire samedi. Ouais, et Emmanuel Macron a dit : je n'ai aucun problème à prendre mon temps. Mais sauf ouais. que moi, à l'école, je faisais ça, je me faisais renvoyer. Hein. Je suis désolé. Hein. C'est vrai aussi. Et en plus, ils se réunissent. Qu'est-ce qu'ils font dans cette réunion ? Il doit y avoir les croissants. Il doit jouer au Yahtzee. Tu vois ce qu'il joue ? Je sais pas, ou au domino. Voilà. Peut-être ils hésitent entre plusieurs ministres et peut-être ils pensent à toi, Manu, pour un poste. Ah, on ne sait jamais. Bah, non, mais on peut toujours espérer, tu vois. On peut. Vraiment, pourquoi vraiment pas vraiment. Non, je pense pas. Non. Et là, je vais vous dire un truc, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir qu'il prenne son temps parce que Emmanuel Macron, il est comme nous, il repousse aussi sa paperasse. Ouais. Et voilà. Ouais. Allez, 6h54, on va revenir tout de suite. Avec les Maroon 5 et à 7h05, on double votre salaire. À tout de suite. Manu dans le 6-9. Dans le 6-9 sur Énergie. Manu et ses ouin ouin. Énergie. Gagnez 10 000 euros dans le cash-cash sur Énergie avec Coé à 17h30. Bonjour, je m'appelle Coé, on est sur Énergie, comment ça va? Je suis sous la pluie, mais ça va. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi t'es sous la pluie? Ben, parce qu'à Nice, il pleut. Attention, ouverture de l'enveloppe. Oh là là. Quoi? J'ai pas gagné. Bénédicte, tu gagnes 10 000 euros. Ah, 10 000 euros, les amis! Vous envoyez dans quelques jours. Ah, génial. Oumi, ma chérie maman a gagné 10 000 euros. T'es contente? Oui. Inscrivez-vous maintenant en envoyant Coé au 7-10-12. Chez Peugeot, les moteurs de demain sont disponibles aujourd'hui. Jour après jour, les ingénieurs Peugeot travaillent à améliorer votre expérience de conduite, à développer le design racé des véhicules tout en relevant les défis technologiques de demain. C'est pour cela que tous les véhicules particuliers Peugeot sont homologués avec de nouveaux moteurs Euro 6.2, plus efficients. Concrétisez votre envie de Peugeot neuve grâce à nos offres exceptionnelles. Découvrez tous nos véhicules disponibles immédiatement sur peugeotwebstore.com.

Salut Manu, bonjour à tous. Ça reste très compliqué dans le sud-est avec beaucoup de pluie encore aujourd'hui. Retour au calme prévu dans la matinée, mais pas avant 3 ou 4 heures près de la Méditerranée. Sinon, cet après-midi, une nouvelle dégradation orageuse arrivera sur l'ouest. De l'autre côté du pays, le soleil devrait briller jusqu'à ce soir pour la moitié est de Paris à Chambéry, en passant par Nancy, Lille et Lyon. Les températures assez stables et douces. Il fera 22 au Mans et à Toulon, comptez jusqu'à 23 pour Sedan. Ils sont donc 4. 4 départements en vigilance pluie inondation encore ce matin sur les bords de Méditerranée. La Corse tout entière, mais aussi les Alpes-Maritimes et le Var. C'est là d'ailleurs que la situation est la plus compliquée, notamment autour du golfe de Saint-Tropez. Une personne est portée disparue ce matin, bloquée dans sa voiture emportée par les eaux hier. Les autorités demandent d'ailleurs d'éviter les parkings souterrains et de monter vers un point haut si vous habitez près d'un cours d'eau. Ça devrait donc se calmer dans la matinée. Gros plan également sur l'ouragan Michael qui secoue cette fois la côte est des États-Unis. Personne ne l'avait vu venir, pas même les spécialistes. Des vents de 250 km/h ont balayé la Floride hier et cette nuit, provoquant de gros dégâts du jamais vu depuis un demi-siècle, selon les experts. Une personne a été tuée. Un conseil, mettez un casque avant de monter sur votre trottinette. Les urgences ont dû faire face à une explosion du nombre de blessés l'an dernier, plus 23% en 2017, selon la sécurité routière. Des fractures, des entorses et aussi beaucoup de traumatismes crâniens. Certains modèles électriques peuvent quand même rouler jusqu'à 40 km/h. On passe au foot avec les Bleus, accueillis comme des rockstars hier en Bretagne. 15 000 supporters ont assisté à leur entraînement au stade du Roudourou à Guingamp. C'est là qu'ils ont rendez-vous ce soir face à l'Islande en amical à 21h. Avis au Père Noël maintenant, la Fédération Française des Industries du Jouet vient d'établir un palmarès des meilleurs cadeaux de l'année, histoire de lui donner un petit coup de main pour remplir sa hotte. Des journalistes, des parents, mais aussi des enfants ont donné leur avis. On retrouve par exemple l'édition Tricheur du Monopoly, la voiture connectée Active Racer de Lancet ou encore le dernier pistolet fléchette Nerf. Et d'ailleurs, puisque Noël approche, vous avez peut-être prévu de partir pour rejoindre votre famille ou encore des amis. La SNCF ouvre aujourd'hui la vente pour la période des fêtes. Comme d'habitude, plus vous réservez tôt votre billet, plus vous avez de chances de trouver des prix réduits. Il gagne tout, même sans rien demander. Drake décroche le titre d'artiste le plus écouté sur Spotify depuis la création de la plateforme voilà 10 ans. Il devance notamment Ed Sheeran, qui peut tout de même se vanter de chanter avec Shape of You le titre et l'album les plus streamés. Les deux se tirent d'ailleurs la bourre aussi au Energy Music Awards cette année. Ils sont nommés dans la même catégorie, artiste masculin international. Et il va falloir les départager comme d'habitude. Ça se passe, vous votez sur energy.fr ce matin. 7h02, fin de ce flash. On est le jeudi 11 octobre. Bon réveil, bonne matinée sur Energy. C'est Manu dans le 6-9 qui continue et nous on se retrouve dans une toute petite demi-heure pour le prochain point sur l'actu. Bonne journée. C'est nous. Et bonjour. On démarre la journée ensemble, soyez les bienvenus et attention. On n'a peut-être pas le temps de le faire maintenant, mais on va le faire après les Maroon 5. Ouais. Nico, un coup de gueule à passer. Ah ouais. Oh. Ouais. Nico est arrivé ce matin. J'étais dans l'ascenseur avec lui, on s'est regardé. Ah. Il m'a dit, oh putain, ouais. Ce matin j'ai un coup de gueule à passer. Je fais, oula, bah qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, sur la farine. Ah ouais. Chiant. Alors je lui dis, hop, ne m'en dis pas plus. Un coup de gueule sur la farine, il faut que le monde entier sache ça. Ah bah oui. Donc je ne sais pas exactement de quoi il s'agit. Ah, je vais dénoncer, moi. Nico, un coup de gueule sur la farine. Bah, c'est saoulant, c'est fou. Ok. C'est vrai que la farine, c'est vraiment le gros truc qui me pose souci. Hein. Ah, mais tu vas voir. Ok. Coup de gueule sur la farine, ne manquez pas ça, ce sera après les Maroon 5. Ouais. Ou aller faire pipi. Je sais pas. On double votre salaire dans une minute. Juste avant ça, une question. D'après vous, combien vous pouvez reconnaître de visages? Combien vous pouvez reconnaître en tout de visages? D'après vous, des gens que vous connaissez, combien vous pouvez en reconnaître? Star comprise ou pas? Star comprise. À 2000? 2000 pour toi, Glandu. Voyons. Ouais. 15 000. 15 000 wow. Bah, je sais pas, j'ai une bonne mémoire des visages. Hein. Voyons. Je suis pas très physionomiste, donc j'irais 800, quoi, maximum. Ok, ouais, moi, je suis comme Nico, encore moins, je dirais une 400, allez, 400 personnes. Ouais. Selon une étude britannique, chaque être humain est capable de reconnaître en moyenne 5 000 visages. Wow ouais. Ah. Et ouais, on c'est peut énorme. Reconnaître ouais. 5 000 visages. Non, mais t'as une grande famille, ça fait déjà 200 personnes. Après, ouais. T'as des stars, tu comptes 800 en plus, ça va vite. Hein. 200 ouais. Personnes dans ta famille ouais, c'est... Comment, Noël, tu le fais exactement Non, mais vous louez un parc, comment ça se passe Il est élargi, quoi. Alors les chercheurs ont demandé à des volontaires de se rappeler un nombre de visages entre 1000 et 10 000 et à chaque fois le résultat était d'environ 5 000 visages mémorisés. Ah ouais. D'accord. Et ben voilà. Deux. De quoi? Moi c'est non. Deux. Ah ouais. Ah mais moi j'ai un problème avec les. Je retiens pas les dates d'anniversaire, les prénoms et les visages. Ouais. C'est vexant parce qu'on est quatre autour de toi. Mais ouais, ouais. C'est ça. Oui. Bah, il y en a deux que je connais pas. 7h05, on va enchaîner, malaise. Manu dans le 6-9, tous les matins sur Énergie. Manu double votre salaire. Attention, chaque jour, on double votre salaire deux fois par jour à 7h05 et 8h05. Il suffit de vous inscrire. Vous allez sur energie.fr ou manudansle69.com et excusez-moi, je suis en train de bugger. Qu'est-ce qui t'arrive? Regardez là-bas, à travers la fenêtre. Vous voyez pas un truc sur le toit là-bas? Il y a quoi? Ah oui! Non mais il y a, je vous jure que. Il y a un feu! Ah oui, il y a un feu à côté du spot. Non mais vous voyez pas le truc là-bas? Bah appelez les pompiers. Alors, non mais je vous explique. Ah mais non! Ah non, c'est un chalumeau. C'est fini. Ils font les travaux. C'est un chalumeau. J'ai cru qu'il y avait └ fait peur. Je vous jure que j'================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================````================================================````================````================````================````================````================````================````== On donne donc sur. On a une grande baie vitrée. Ouais, sur la baie vitrée, on voit sur les immeubles parce qu'on est en hauteur. Ouais. Et là-bas, il y avait des flammes. Je dis putain, il y a un incendie sur le toit. Putain, on a eu le premier scoop de l'émission, de l'histoire de l'émission, quoi. Et en fait, non, c'est un mec avec un chalumeau. Ouais, c'est voilà, nul. Quoi, c'est... Ouin, ouin. Faites des efforts, les mecs, faites des feux. c'est une vanne. Non, c'est une vanne. Ne le faites pas, merci de m'avoir écouté. Mais je vous jure, putain, on est en train de vivre un incendie, merde. Quand tu montrais le dehors, j'ai cru que c'était dans le ciel et qu'il y avait un ovni. J'étais hyper content, je me dis. Enfin, ça y est. N'importe quoi. Ouais, ouais. Tu sais quoi, Paulette? Ouais. C'est moi qui vais lui mettre le feu. Allez, 7h06. Avant d'écouter les Maroon 5, on va appeler Alexandra. Elle habite Nanterre, c'est à côté de Paris. Elle a 26 ans. Elle touche 1828 euros chaque mois. Elle s'est inscrite pour que je lui double son salaire. Alexandra, c'est parti. On t'appelle maintenant. Attention. Ça a décroché, mais Alexandra ne dit allô jamais allô. C'est une tradition. Allô, Alexandra? Oui. Quel est le seul animateur radio qui double ton salaire? C'est Manu sur Énergie. Ouais. Ça va, Alexandra? Oui, ça va. Oh. T'es élue ou il y a quelqu'un qui vient de te raconter une blague? Un peu les deux. Eh ben ça y est, c'est toi. J'y crois pas trop. Bah si, tu crois vraiment qu'on perdrait notre temps à t'appeler en te disant en fait après c'est une blague? C'est bon. Non, tu nous dis on est là jusqu'à 9h30, donc prends ton temps. Alexandra, on va doubler ton salaire. 1828 euros x 2, ça va faire 3656 euros pour toi. Oh, merci, vous êtes géniaux, c'est super. Et tu sais quoi, je sens l'émotion, enfin on la sent tous là. Ah, c'est, et tu sais quoi, ça fait du bien. Maintenant prends un mouchoir pour te moucher quand même. Alexandra, tu es bergère en éco-pâturage. Oui. Alors j'ai vu ça à la télé, c'est en fait t'as des moutons et tu vas chez les gens qui ont des grandes surfaces de terrain et au lieu d'utiliser des tondeuses, en fait c'est tes moutons, ils broutent, ça les nourrit et eux c'est gratuit et c'est ça non? Alors c'est presque ça effectivement, hein, on fait tout ça pour des professionnels mais oui c'est ça quoi. Oh, c'est trop bien. On entretient les espaces verts avec des moutons. C'est génial. Ouais. C'est câlin un mouton, Alexandra? Pardon? C'est câlin un mouton? Alors, ça dépend. Nous, on en a un peu des sauvages, on en a des câlins, surtout ceux qu'on élève au biberon. Oh, vous avez des moutons au biberon? C'est mignon, ouais. Oui. Et concrètement, ça coûte combien, un mouton? Ah, c'est moins mignon, là. Pardon. Bah, en fait, la race qu'on utilise, elle était très peu utilisée, du coup, ils sont pas très chers, c'est à peu près 50 euros le mouton. Sérieux? Oh la vache, trop cool, ça fait pas cher la tondeuse. Mais alors, si vous avez un jardin, vous pouvez. Hein. Le principe, il est génial. Ah oui, c'est trop bien. Franchement, c'est win-win de chaque côté. Maintenant, j'ai une question parce que le mouton a un gros problème par rapport à la tondeuse. Bah, la tondeuse ne fait pas caca, quoi. Ouais, c'est rare. Non, mais comment vous faites, Alexandra, du coup? Mais en fait, la nature est bien faite. Le caca se dégrade tout seul. Oh, ouais. C'est génial. Ouais. Oui. Oh là. Alors pas chez les humains, n'essayez pas ça chez vous. N'allez pas faire dans le jardin. L'éco-pâturage ne marche pas dans le salon. Hein. Alexandra, on te double ton salaire. Bravo à toi. 3656 euros, on t'embrasse fort. Merci beaucoup. Gros bisous, 7h10. Attention, tout à l'heure à 8h05, c'est peut-être vous qu'on va pas appeler. Ouais. C'est peut-être vous qu'on va déranger. Ouais. On va doubler votre salaire tout à l'heure à 8h05. Si vous vous êtes inscrit sur energie.fr ou manudansle69.com, ça peut être vous,

Avant d'écouter Kygo et Imagine Dragons, Georges, l'intelligence artificielle la plus embarrassante de France, va appeler quelqu'un. Ouais. Alors attention, aujourd'hui, ça arrive de temps en temps. La personne que nous allons appeler, c'est vous qui nous avez demandé de l'appeler. Ouais. On a reçu sur l'application Manu dans le 6-9 un message vocal de quelqu'un qui nous dit « Ce serait bien d'appeler cette personne ouais. parce qu'elle a tendance à avoir de temps en temps mauvaise haleine. Ouais. » Ah. Georges l'appelle pour lui dire. Allô ? Bonjour, ceci est un message automatique. Bonjour madame. Quelqu'un a pensé que vous devriez le savoir. Vous avez mauvaise haleine. Mais qui est-ce qui vous a prévenu ? Vous êtes, pardon ? La mauvaise haleine est quelque chose de simple à soigner. Nous pouvons vous aider. Oui, oui, non mais de toute façon je vais avoir un contact à 11h. Hein. Savez-vous d'où cela pourrait provenir ? Oui, oui, oui, j'ai deux couronnes en bas à droite et donc j'ai deux points noirs en dessous à gencive. Utilisez-vous un dentifrice certifié ? Eh bien du, comment ça s'appelle ? Oral-B. Il existe aussi de très bonnes pastilles, des bonbons à sucer ou à croquer. Eh ben, je vais faire des bains de bouche, là j'ai acheté ce qu'il faut pour faire des bains de bouche. Avez-vous essayé de mâcher un sapin senteur ? Pour voiture ? Non, non, non, pas du tout, non. Vous devriez. Ouais. Bon, elle le sait en même temps, hein. Ouais. Mais ne croquez pas les sapins des voitures. L'appel automatique de Georges. Manu dans le 6-9. 7h21, Kygo Imagine Dragon sur Énergie. Juste après, on passe au coup de gueule du quotidien. Ouais. Tout est parti de Nico qui a poussé un coup de gueule parce que la farine, se les sachets, il fuit. C'est ouais. un scandale. Ça. Oui. Ouais. Nous ne dirons rien. Non, c'est pas bien. C'est pas bien. I know I've given up. It's not something to ignore. You take me for a fool. You take me for a fool. I never knew anybody till I knew. Il est 7h24. On va écouter Drake. Ça arrive pour vous après les infos de 7h30. Et on va jouer au meilleur jeu radio du monde. C'est le jeu des 5 mots. C'est dans une petite dizaine de minutes. On vous offre

Pas vraiment, j'ai gagné 5000 euros. En octobre, dites oui à l'hybride et profitez de 4000 euros de prime à l'hybride Toyota et de 1000 euros de remise exceptionnelle sur RAV4 hybride 9. Estimez la valeur de reprise de votre véhicule sur toyota.fr. Portes ouvertes ce week-end. Toyota. Offre aux particuliers non cumulables jusqu'au 31 octobre dans le réseau participant. La bonne idée bute pour un sommeil de qualité, c'est un très bon matelas Bultex à moitié prix. Ça calme comme une tisane. Vous n'aimez pas la tisane ? Prenez un matelas. Literie en folie en ce moment chez But. Moins 50% sur le matelas Deal Bultex 140 par 190 qui passe de 594 à 299,99€ seulement. But, des prix et des idées tous les jours. Énergie. Manu dans le 6-9. Dans 6-9. 6h, 9h30. Sur Énergie. Il est 7h30, soyez les bienvenus. Attention, nous vous offrons vos places pour les Energy Music Awards. Ouais. On va jouer au meilleur jeu radio du monde. C'est le jeu des 5 mots, c'est dans 10 minutes. 0 870 42 48. On va écouter le rec et les infos, c'est maintenant. Toute l'actu avec Jean-Charles Gaucher. Salut Manu, bonjour à tous. Toujours de la pluie ce matin dans le sud-est. Ça ne devrait pas se calmer avant quelques heures malheureusement. Sinon, les orages vont débarquer aussi par l'ouest aujourd'hui pour une journée très mouvementée. À l'est, en revanche, ce sera plutôt agréable en principe avec beaucoup de soleil au menu. Les températures restent assez douces pour la saison. Au meilleur de la journée, il fera encore 22 degrés à Montbéliard, 23 à Lille, 23 aussi à Albi. Une personne est portée disparue ce matin dans le Var, l'un des quatre départements en vigilance puis inondation. La victime a été piégée en fait dans sa voiture, emportée par les eaux hier. Et les autorités demandent donc de ne surtout pas descendre dans les sous-sols ou dans les parkings souterrains aujourd'hui. Et il va pleuvoir encore quelques heures sur les Alpes-Maritimes et la Corse en vigilance également. Soyez très prudents, les cumuls sont hallucinants. Contrairement aux idées reçues, le français se porte plutôt bien, très bien même. C'est la cinquième langue la plus parlée au monde, avec 300 millions d'adeptes à l'heure actuelle. Plus 10% d'ailleurs sur les quatre dernières années, selon les chiffres officiels dévoilés hier. Devant nous, il y a le chinois, l'anglais, l'espagnol et l'arabe. Les perspectives sont plutôt bonnes grâce notamment au continent africain de plus en plus francophone. Premier arrivé, premier servi. Comme d'habitude, les ventes de billets pour la période de Noël ouvrent en ce moment. C'est ce matin d'ailleurs sur le site de la SNCF. Plus vous arrivez tôt, plus vous avez de chances de payer moins cher. Du foot avec un rendez-vous ce soir, le match amical des Bleus contre l'Islande. Ça sera à Guingamp. Une véritable fête en Bretagne puisque 15 000 supporters ont déjà assisté à l'entraînement des champions du monde hier au stade du Roux. L'équipe de France prépare en fait sa rencontre officielle mardi contre l'Allemagne à Saint-Denis. Ses yeux bleus et ses taches de rousseur ont conquis Hollywood. À 34 ans, Claire Foy est l'actrice incontournable du moment. Après le carton de la série The Crown, on retrouvera la Britannique aux côtés de Ryan Gosling dans First Man la semaine prochaine au ciné. Du trône royal aux coulisses de la NASA, pour elle, le décollage est officiellement amorcé. Morgane Barthélémy. Oui, un sacré coup de projecteur pour cette actrice qui aura attendu ses 23 ans pour débuter dans de petites productions anglaises. Le public la découvre en servante, en femme de chevalier et même en sorcière. Elle finit par s'ennoblir en 2016 en prêtant ses traits à la jeune reine Elisabeth dans la série The Crown, couronnée d'un Golden Globe et d'un Emmy Award. Sa performance entre naïveté et autorité impose la Britannique à Hollywood. D'Andy Serkis à Steven Soderbergh, tout le monde se l'arrache et c'est désormais le réalisateur de La La Land qui lui promet la lune. Elle incarne la femme de l'astronaute Neil Armstrong pour First Man aux côtés de Ryan Gosling. En novembre, c'est elle qui prendra les commandes dans le nouveau volet de la saga Millennium. Tatouage, crâne à moitié rasé et vengeance sans limite, elle révélera son côté obscur dans la peau de la néo-gothique Lisbeth Salander, un rôle musclé très loin des courbettes de la cour de Buckingham. Voilà, Claire Foy qui va pouvoir se concentrer sur ses projets signés, une actrice plus âgée qui campera la reine Elisabeth dans la troisième saison de The Crown. C'est la fin de ce flash, mon réveil, bonne matinée sur Energy. Choses arrivent les amis, beaucoup de choses. À 8h05 on va doubler votre salaire, mais attention, pas comme d'habitude. On ne va pas vous appeler pour doubler votre salaire, on va venir chez vous. Première fois de la saison, on l'a pas encore fait. Ouais. On va venir chez vous, si vous vous êtes inscrit sur energie.fr ou Manu dans le 69.com, on va sonner à votre porte. Restez bien chez vous, ça se passera à 8h05. Ouais. On va vous envoyer au Energy Music Awards. Vous allez venir avec nous, ça se passe le 10 novembre prochain. On vous offre vos places, transport, hébergement, tout est payé. Wow. On joue dans 5 minutes au meilleur jeu radio du monde, c'est le jeu des 5 mots. Mais avant ça,

And I'm down for y'all, down, down for y'all, down, down, down for y'all always. Bienvenue sur Énergie, il est 7h40. On va se faire un petit plaisir dans 3 minutes. On veut du Claudie Musette. Eh oui. Eh oui. Bien sûr. Eh oui. Et 3 cafés gourmands, t'as envie de les avoir à l'apéro avec toi. Ouais. Ça arrive pour vous dans 3 minutes. Avant ça, nous allons jouer au jeu des 5 mots. Et comme tous les jeudis, c'est le petit trait des questions qui arrive dans 10 minutes. Ah, super. Même pas 10 minutes. Ouais. Vous pouvez nous appeler dès maintenant au 0870 42 48. Voici les questions du petit train des questions. Première question. Quelle est la chose la plus gentille que quelqu'un ait faite pour vous? Ah, ok. Ouais. Vous avez envie de nous en parler? 0870 42 48. Deuxième question. Vous pouvez ajouter une seule chose dans votre maison ou votre appartement. C'est quoi? Une seule chose. Mmh. Et troisième question du petit train des questions. Vous devez imiter à la perfection quelqu'un ou quelque chose. Sinon, on vous scie un bras. Oh. Choisissez. Attention, la pression. 0 870 42 48. Je rappelle qu'on ne vous sciera pas réellement un bras. Ah, merci Manu. Ok, non mais c'est important de le préciser. Bah, oui. Même si j'ai bon bref, je voulais envoyer un morceau de scie, mais ça ne marche pas. 7h42 les amis, nous allons jouer ensemble au meilleur jeu radio du monde. Allez, attention, c'est parti. Ouais. Nous allons jouer au jeu des 5 mots. Bonjour JB. Oh là là, bonjour Manu, bonjour tout le monde. Comme tu dis, oh là là. Ouais, voilà. Là. Attention JB, une petite pression ce matin parce que je t'offre, si tu gagnes au jeu des 5 mots, 2 places pour l'Energy Music Awards, pour la cérémonie, ça se passe le 10 novembre prochain, plus le transport d'où que tu viennes. T'habites où? Orléans. Et bien tu viendras d'Orléans jusqu'à Cannes. C'est Energy qui paye. Et à Cannes, tu dormiras, c'est Energy qui paye. Wow. Avec Manu. Hey non. C'est Energy qui n'a plus l'argent. JB, tu viendras avec la personne de ton choix si tu gagnes au jeu des 5 mots. Attention, quelqu'un dans le studio va sortir maintenant. Isabelle. Oh, c'est moi. Ok, j'y vais. Oui, effectivement, c'est toi. J'ai mignonne. On dirait quelqu'un qui a interrogé à une interro surprise, tu sais. C'est ça. Oh merde, putain, j'ai pas révisé. Attention, Isabelle est dans le couloir. Elle est sortie, elle n'entend plus ce qui se passe à l'antenne. Je vais te donner 5 mots. Après, chaque mot, tu me donnes le premier qui te vient à l'esprit. Ensuite, je fais revenir Isabelle. Je fais pareil avec elle. Si vous avez au moins un mot en commun, c'est gagné. À toi, les Energy Music Awards. Oh là là, ce serait dingue. Mais dingue. JB, c'est parti. On joue au jeu les 5 mots. Bouger. Sport. Rapport. École. Figure. Personnage. Quotidien. Journée. Terrain. Football. Tu es à quelques secondes peut-être de tes places pour les Energy Music Awards. Attention. Ouais. On fait revenir Isabelle qui est arrivée dans le studio. Un mot en commun avec JB et c'est gagné. Il suffit d'un seul mot en commun. Allez, c'est parti. Allez. On joue au jeu les 5 mots. Bouger. Danser. JB avait dit sport. Ah. Rapport. Contrat. Oh, c'est bizarre, rapport. Bah, un rapport. Oh, je sais pas, rapport. Hein? Non, un, je sais pas. Un rapport. Bon. Tu as dit contrat, JB avait dit école. Ok. Il reste 3 mots. Figure. Visage. Aïe, aïe, aïe. JB avait dit personnage. Deux mots. Allez, allez. Quotidien. Jour. Oh, oh non. Ah, c'est pas... Oh, dur. Ah, c'est dur parce que JB avait dit journée. Oh, oh c'est mince. Cruel. Ah là, ça me fait mal. Attends, il reste un mot, JB, on y croit. Allez, on y croit. Un seul mot. Allez, allez, allez, allez. Terrain. Jeu. Oh, mince. Non. Terrain de jeu, non, terrain de jeu, c'était pas idiot. Il avait, ouais. il avait dit football, JB. Ah, je suis désolé, JB, vraiment. Eh bien, écoute, c'est comme ça, j'ai passé quand même un agréable moment, un super moment, comme tous les jours, tous les matins avec vous. Oh, c'est oh, trop mignon. En plus, t'es faillot. Non, c'est con que tu perds, merde. JB, tu nous rappelles oui. quand tu veux, t'es toujours le bienvenu avec nous. Je vous souhaite une belle journée. Avec grand plaisir. Bonne journée à vous, les wouin-wouin. 7h45, on va s'écouter 3 cafés gourmands. Juste après, c'est le petit train des questions. Et demain encore des places pour Energy Music au Banzai à gagner si vous gagnez. C'est dingue. Ça fait deux jours que ça perd. Ouais, deux jours. Ouais. Vous savez quoi, demain c'est moi qui sors. Ok. Allez. Ah ça gagne. Il y a un moment il faut que papa arrive quoi. Trois cafés gourmands sur Energy. Comment puis-je oublier ce coin de paradis, ce petit bout de terre où vit encore mon père. Comment pourrais-je faire pour me séparer d'elle, oublier qu'on est frères, belle Corrèze. Oublier ce matin que tu es parisien, que t'as de l'eau dans le vin, que tu es parti loin. Ce n'était pas ma faute, on joue des fausses notes, on se trompe de chemin et on a du chagrin. On se joue tout un drame, on a des vagues à l'âme. Tu as du mal au cœur, tu as peur du bonheur. Acheter des tableaux et des vaches en photo, c'est tout ce que t'as trouvé pour te la rappeler. Vous me trouvez un peu con, n'aimez pas ma chanson. Vous me croyez bizarre, un peu patriotard. Le fruit de ma réflexion ne touchera personne. Si vos pas ne résonnent jamais dans ma région, c'est pire qu'une religion au-delà d'une confession. Je l'aime à en mourir pour le meilleur et pour le pire. Et si je monte au ciel, y'aura peut-être Joël, Guillaume et Jérémy. Il est 7h48, on va s'écouter The Prince Karma. Excusez-moi, j'ai un problème avec mon écran, ouais. Je vous le dis. Hein. Honnêtement, bah oui. Je vais le casser cet écran. Oui. Hein. Oh. Est-ce qu'on peut appeler, Ah, il y a un technicien qui est là, viens. Non, voilà, ça tombe bien. Non, en plus, c'est vrai, parce qu'on est en train de préparer pour tout à l'heure quelque chose. J'ai un problème avec cet écran, j'appuie dessus, c'est un écran tactile, il marche pas. Voilà. Bah, casse-le, non. Ok. Ouais, il est cassé. C'est lui qui m'a dit de le casser. Hein. Voilà, il est cassé. Non, non. J'ai cassé l'écran. Alors, on peut continuer maintenant. Ah, mais t'as cassé un autre 7h49. Oh merde! T'as vraiment cassé un écran! Manu! Oh merde! T'as vraiment pété un écran! Manu la bêtise! J'ai cassé un. Oh, je, bah, oui. Je suis désolé. Oh, l'enfant. Écoute, non, bah, on va changer celui-là. Oh, là là. Oh, je pensais pas. Oui. Attends, tu maîtrises tellement pas ta force, Manu. Oui. Non, mais alors, je vous explique. J'ai lancé l'écran. Je l'ai poussé un peu violemment. Mm-hmm. Je l'ai poussé. Et il m'a dit de le casser. Oui. Et en fait, le coin de l'écran a tapé sur un autre écran à côté. Oui. Et ouais. Voilà. La bêtise, Manu. Oh, mais tu sais, c'est quoi? J'ai l'impression que quand tu fais une connerie à l'école et que t'es pris et que tu dis merde, je vais aller chez le proviseur. Ouais. Ça, le problème, c'est qu'on est à la radio, donc il y a un peu de témoins, quoi. Bah, tu pourras pas dire, c'est pas moi. Oh merde. Ah, et puis, le truc le plus con, c'est que t'as cassé le mauvais écran, en fait. T'as pas cassé celui qui avait un problème. T'as cassé celui qui marchait très bien. Je suis désolé. Ouais. C'est toi. Oh, attends, excuse-moi, on est à la radio. Vous êtes tous témoins que c'est lui qui m'a dit que je pouvais le casser. Non, je dis celui-là, mais pas celui-là. Deux heures de colle, ça te va? Écoute, alors, je vais te dire un truc. Je suis prêt à payer de ma poche cet écran. Allez! Okay. Non, mais il faut savoir que c'est comme c'est un écran, il n'y en a plus des comme ça, il est tout petit. Ouais. Oh là là, j'ai honte, je suis vraiment désolé. Il y a un homme technicien. Ah bah, la technique est là. Oh là là. Tu vas te faire gronder. Alors, je vous présente le chef des techniciens, il s'appelle Fred. Bien, ça va? Bonjour, enchanté. Ouais, ça va. Alors, je suis désolé. Ouais, il vient de se passer un. Je viens de faire une connerie. Ouais. Non, vraiment, j'ai fait une énorme bêtise. Ouais, c'est, je voulais faire. Voilà. C'est quand tu veux faire des blagues. Ouais. Tu vois, tu veux faire des blagues, tu veux faire un truc. Oh, imagine, je fais ça et tu tombes vraiment. Ouais. Et là, imagine, je casse l'écran. J'ai vraiment cassé l'écran. Et là, c'est parti. Oh, je suis désolé. Mais c'est pas grave. Ouais. On va changer. Ah ouais? Oh, c'est vrai? Bah, c'est cool. Non, alors je suis vraiment prêt à payer de ma poche cet écran. Oh. Et là, tu dois me dire, c'est pas la peine. Non, c'est pas la peine. Ok. Oh, c'est génial. Cool. Oh, et ça marche avec tout ça? Je peux casser n'importe non, quoi? Non, Manu, non, ça amenez-moi suffit. Une PS4, je la casse tout de suite. Oh, la vache. T'imagines le buzz? L'animateur pète les plombs, il casse tous les écrans de la radio. Ça peut faire du buzz? Manu. Oh, je sais vraiment, je sais pas où mettre. Fred, qu'est-ce que je peux faire? Rien, continue l'émission. Ah, d'accord. Ah, c'est sympa. Moi, je propose une punition, c'est en ligne quand même. Je ne casse pas les écrans dans le studio, c'est le minimum. Hein. Ouais. Ouais. Voilà. Ok. Alors, tu sais quoi, je m'engage à écrire et à faire. À allez. Écrire sans ligne. C'est bien. Je ne casserai plus jamais un écran dans le studio. C'est est-ce bien, que Manu. Ça va? Ça va. Ça ok. Va, je tu le fais pas écrire par ta fille, hein, Manu. Hein. Ouais. Parce que je te connais. Ben. Je te connais. Non, non. Contre un dessert. Non. 7h51, ouais. je suis désolé, ce sont les aléas du direct. Ouais. Hein, ouais. Bon, c'est rare que ça arrive au journal de 20h. Ouais, c'est sûr. Bah, je suis désolé, j'ai cassé l'écran là. Bon, on va s'écouter The Prince Karma. Soyez les bienvenus sur NRJ. Oh, je suis vraiment désolé. Il est cassé. This is complete and total bullshit. If I show you my tits, will you let me in? Can you just take another drink with me? Thanks. Later, bitches. Bitches. bitches. Bienvenue sur Énergie, il est 7h54. Mmh. Excusez-moi, c'est un petit peu chamboulé. Ah bah oui. On devait faire le petit train des questions, on le fera demain. D'accord. Parce qu'il y a eu un petit problème dans le studio, j'ai cassé un écran. Voilà. J'ai cassé un écran qui était assez important puisque maintenant tout est sur ordinateur. Donc quand tu casses un écran, tu casses la radio. Ouais. Donc c'est ça. On est en train de s'en occuper. Attention, dans 10 minutes pile, les amis, nous allons doubler votre salaire, mais nous n'allons pas vous appeler pour doubler votre salaire. Nous allons tout simplement venir chez vous. Trop ça, bien. C'est génial. Pas n'importe qui. David, est-ce que t'es là ? Oui, je suis là. Salut Manu, salut à tous. Vous écoutez Énergie le week-end, vous écoutez forcément David, ouais. Puisqu'il fait globalement sur 48 heures de week-end, 40 heures. Ouais. Mais la semaine, David s'ennuie, c'est pour ça qu'on lui offre des vacances. Ouais. Tout simplement. Nous avons David qui est avec nous au téléphone, qui dans un instant va rentrer chez vous. Il va sonner à votre porte. Si vous êtes inscrit sur energie.fr ou manudansle69.com, c'est peut-être chez vous que dans 10 minutes, David va sonner pour vous annoncer qu'on va doubler votre salaire. Voilà. Est-ce que tu peux donner un indice sur à peu près l'endroit où tu te situes ? Alors, la mer. Oui, alors c'est... C'est un gros... Ouais. C'est un indice, c'est bon, mais... c'est plus large, il y avait sur Terre. Hein. Ouais. Okay. Alors, la mer Méditerranée. David, c'est bon, ça. Oui. La mer Méditerranée. Si vous êtes à Lille, vous pouvez aller faire pipi. Si vous êtes autour de la Méditerranée, ne bougez pas, restez bien chez vous. C'est peut-être chez vous qu'on va sonner dans même pas 10 minutes maintenant pour doubler votre salaire. A tout de suite. Manu dans le 6-9. Debout les wawa, debout les wawa. Sur Énergie. Coué sur Énergie. Oui, allô. Oui, excusez-moi de vous déranger. Vous êtes bien monsieur Debbouze ? Oui, c'est pourquoi ? Je me présente, Jamel Debbouze. Je vais faire des courses, là, monsieur. Mais, alors, juste, je vous explique. J'ai pas le temps, monsieur. Hein. Parce que c'est mon nom, hein, je vous rappelle. Bah, c'est vous qui portez le mien aussi, en ce moment-là. Alors. Il y a compète. Pardon, j'ai déposé ce nom à l'INPI il y a pas. En 1964. Non, j'ai pas le temps. Hein. Vous voulez des œufs, monsieur Debbouze ? Je vais en cours, mais j'ai pas que ça. C'est Coé. C'est à 17h. C'est sur Énergie. Voilà notre stratégie, Marc. Des remarques ? Je trouve que ça manque de sièges Advance Comfort dans cette salle. Et puis c'est un peu sombre. Si on avait un toit panoramique comme nouvelle Citroën C4 Cactus, ça serait mieux, non ? Pardon ? Le confort Citroën vous manque ? Pendant les jours C'est Confort chez Citroën, profitez d'une reprise de votre véhicule plus 3000 euros sur nouvelle Citroën C4 Cactus, équipée des sièges Advance Comfort et des moteurs nouvelle génération Euro 6.2. Portes ouvertes ce week-end. Citroën. Offre valable jusqu'au 30 octobre. Détails sur citroën.fr. Équipement selon version. Aujourd'hui, dans la famille, tout est simple. Voici Sandra, la tata gaga qui a des neveux et nièces partout en France. Ah oui, partout. Et comme c'est une tata gaga, elle a envie de les gâter, les petits. Oui, beaucoup. C'est pour ça que Sandra est prévoyante. Elle achète ses emballages Colissimo préaffranchis pour envoyer ses cadeaux, qu'elle dépose directement dans sa boîte aux lettres. Le facteur n'a plus qu'à les emporter lors de sa tournée. Un cadeau du ciel. De la poste, Sandra. Avec l'envoi en boîte aux lettres, envoyez vos Colissimo sans vous déplacer. Retrouvez la solution Colissimo qu'il vous faut sur laposte.fr. Auchan, et la vie change. Et pendant les 125 jours Auchan, c'est la soirée de Pierre qui change. Avec le lancement de Call of Duty Black Ops 4 en avant-première dès ce soir. Pierre, annule tout ce que t'avais prévu ce soir. C'est-à-dire rien. Et viens t'emparer du dernier Call of. Il t'attend. Dès ce soir 20h et jusqu'à mardi, vos hypermarchés Auchan et Auchan.fr proposent Call of Duty Black Ops 4 à 51,99€. Et vos soirées changent. Auchan. Et en plus, un cadeau exclusif offert aux 20 000 premiers acheteurs. Voir conditions en magasin, jeux vidéo interdits aux moins de 18 ans. Toyota. Allez, on se fait un ni oui ni non. D'accord. Il est stylé ton nouveau SUV. C'est un Toyota CHR hybride ? Tout à fait. C'est bien l'hybride. En plus, c'est sans condition. Du coup, t'as dit oui à l'hybride ? Oui. Perdu ! Bon, enfin pas vraiment, j'ai gagné 3 500€. En octobre, dites oui à l'hybride. Et profitez de la prime à l'hybride Toyota jusqu'à 3 500€, sans condition, sur le SUV Toyota CHR hybride 9. Estimez la valeur de reprise de votre véhicule sur toyota.fr. Portes ouvertes ce week-end. Toyota. Offre aux particuliers non cumulable jusqu'au 31 octobre dans le réseau participant. Téléchargez l'appli Énergie, gratuite, sans abonnement, pour écouter la playlist Énergie. Énergie, hit music only. L'instant d'Arty. J'aimerais changer de fournisseur internet, mais j'hésite encore. N'hésitez plus en ce moment dans les magasins d'Arty. Pour toute souscription à une offre Bbox de Bouygues Télécom, on vous offre 100€ en carte cadeau. 100€ ? Et oui, et comme toujours, vous profitez en plus des services exclusifs d'Arty pour vous faciliter la vie. Super, j'arrive tout de suite. Arty. Offre

décembre en amical à Guingamp. Coup d'envoi à 21h avec sans doute Kylian Mbappé en attaquant de pointe. Et une bonne préparation avant la rencontre officielle, cette fois face à l'Allemagne au Stade de France mardi en Ligue des Nations. Et puis on est à 2 mois et demi de Noël, le bon moment pour commencer à faire sa liste de cadeaux. Et pour vous aider, la Fédération française du secteur vient de dévoiler son palmarès des meilleurs jouets cette année. Palmarès établi par des journalistes, des parents, mais aussi évidemment des enfants. On retrouve par exemple l'édition Tricheur du Monopoly, la voiture connectée Active Racer de Lancet ou encore le dernier pistolet à fléchette Nerf. Et justement, puisqu'on parle des fêtes, la SNCF vient d'ouvrir les réservations pour la période de Noël. Des billets à vendre à prix réduit au départ pour les TGV, les Ouigo et les Intercités. Premier arrivé, premier servi, comme d'habitude. Avis aux fans de binge-watching légal, la fête de la VOD commence ce jeudi. 4 jours de promo sur la plupart des plateformes de vidéos à la demande. 2€ par exemple selon la location, 5€ l'achat d'un film. Et ça dure donc jusqu'à dimanche inclus. En ce moment, il y a notamment le dernier Avengers ou encore Deadpool et Solo à l'affiche. L'an dernier, le marché de la VOD a explosé de plus de 30% rien qu'en France. 8h05, fin de ce flash, on est jeudi 11 octobre. Bon réveil avec Manu dans le 6-9 sur Énergie. Bonne journée. Il est 8h05, comme chaque jour, on est en direct, on est avec vous et nous sommes en Facebook Live normalement, Nico. Ça arrive, ouais. Ah, ça arrive. Ah ouais. Nous sommes en Facebook Live pour ce qui va se passer dans quelques secondes. Nous allons doubler votre salaire, non pas en vous appelant, mais en allant chez vous. C'est génial. Oui, trop bien. Si vous êtes inscrit sur energie.fr ou Malu dans le 69.com, c'est peut-être chez vous que David, qui est au téléphone avec nous, va sonner dans un instant. Oui. David, tu m'entends ? Oui, ouais, je t'entends, je suis là. David, c'est que bon. Vous pouvez écouter tous les week-ends sur Énergie, puisqu'il est globalement de 6h du matin jusqu'à 23h le soir. Oh. Non, jusqu'à midi. C'est déjà pas mal. Alors attention, tu nous as dit que tu étais du côté de la Méditerranée. Maintenant, tu peux nous dire où tu es, dans quelle ville tu es ? Alors, je suis dans les Bouches-du-Rhône à Fos-sur-Mer. Très bien. Si vous avez les images, si vous êtes sur Facebook, vous aviez le Facebook Live, vous voyez David dans une petite rue. Si vous habitez pas loin de cette rue, si vous habitez une maison autour de là, attention, dépêchez-vous, vous avez 20 secondes pour vous habiller. Voilà. David, oui. Je te propose d'aller tranquillement dans la maison, dans l'appartement, je ne sais pas, chez qui nous allons sonner. Oh, il ouvre un portail, un gros portail, maison sécurisée. Attention, il rentre dans une cour. Il court, il y a plusieurs maisons. J'ai l'impression d'avoir passe-partout l'enfant Bayard. Ouais. Attention, David avance. Il va peut-être sonner chez vous dans un instant. Si vous reconnaissez les images sur le Facebook Live, on arrive dans 2 secondes. Vite, mettez les chaussettes. Attention, David vient de sonner à la porte. Bonjour. Il y a une fille qui vient d'ouvrir. David ? Oui. Peux-tu passer le téléphone à la fille qui est en face de toi ? Je passe le téléphone. Allez, ça marche. Bonjour. Bonjour. Allô ? Oui, bonjour. C'est Noélie ? Oh, purée. Noélie de Fos-sur-Mer ? Oui, c'est moi, oui. C'est ça ? Je te vois. Oui. Coucou. Je te vois et je ne suis pas le seul à te voir. Tous les gens qui sont en Facebook Live te voient. Noélie, quel est le seul animateur radio qui double ton salaire ? C'est moi, je te gagné. J'ai pas fait de blague ? Non. Non, j'ai pas fait de blague, non. Tu touches 1798€ chaque mois, c'est bien ça ? Oui, c'est ça, oui. Ok, bah, tout le monde le sait, tout le monde t'a reconnu, maintenant tout le monde le sait. Sache que tu vas avoir beaucoup plus d'amis aujourd'hui puisque tu vas avoir ton salaire doublé. C'est comme quand on gagne au loto, hein, d'un coup. Ouais. Écoute-moi bien, Noélie. 3596€ pour toi. Ouais. Non, super. Wow. Ça va, c'est cool. Ouais. Oui, ça va. Je l'ai vu cette fois, j'attendais. On ne comprend pas, mais c'est génial. On ne comprend pas ce que tu dis, mais d'accord. Non, je disais, je ne l'attendais pas du tout. Eh ben voilà, mais écoute, on est chez toi. Alors, ça se voit que tu ne nous attendais pas. Hein. Tu es en pyjama encore, tu es très détendu. Alors, non, je ne suis pas en pyjama, mais merci, Manu. Est-ce qu'on peut voir tes magnifiques pantoufles, c'est ça ? Attends, tu as des pantoufles. Tu sais quoi, Noélie, je suis fan de toi. Moi, j'en ai des barbes à papa comme ça. C'est des énormes chaussons licornes. Oh, c'est génial. Alors, si tu me dis que t'es pas en pyjama et que tu vas au boulot comme ça, qu'est-ce que tu fais comme boulot? Ben oui, justement, ben, en fait, ben, je suis un peu en uniforme, je travaille dans une salle de sport. Ah d'accord, salle de sport, et comme dans toutes les salles de sport, personne ne vient parce que tout le monde s'inscrit sans venir, du coup, t'y vas en chaussons, c'est normal. C'est pas vrai. Alors, c'est pas vrai. D'ailleurs, je fais un coucou à tous les adhérents qui m'écoutent ce matin, et l'équipe, évidemment. Et en plus elle est bourrée. Bon. Oh, mais non. Noélie, 3596 € pour toi, ça arrive très vite. Bravo à toi. Oh super, merci beaucoup. Si vous voyez une femme en chaussons à Fosses-sur-Mer aujourd'hui, dites-vous que c'est Noélie et qu'elle vient d'avoir son salaire doublé. Et que peut-être grâce à ça, elle va pouvoir s'acheter des chaussures. On t'embrasse, Noélie. On t'embrasse fort, bravo à toi. Merci beaucoup. Ça peut vous arriver, vous aussi. On double votre salaire tous les matins à 7h05 et 8h05. Et de temps en temps, eh ben on fait comme ça. On arrive chez vous directement pour vous doubler votre salaire. 8h09, Jean Gézra sur Énergie. Juste après, c'est les concours du jour. Yes. Ouais. Il y a pire que nous dans le monde. Oh, c'est la bonne nouvelle du jour. On vous raconte leurs histoires dans 3 minutes. Homegrown alligator, see you later. Gotta hit the road. Gotta hit the road. The sun ain't changing the atmosphere. Architecture unfamiliar. I could get used to this. Time flies by in the yellow and green. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. South of the equator, navigator, gotta hit the road, gotta hit the road. Deep sea diving round the clock, bikini bottoms, lager tops. To get used to this. Time flies by in the yellow and green. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath. Someone. We got two in the front, two in the back, sailing along, and we don't look back. Time flies by in the yellow and green. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone, a someone, a someone. Bienvenue sur Énergie, il est 8h12, on va s'écouter Jonas Blue, ça arrive dans 3 minutes, mais avant ça, on se fait du bien. Sans se toucher. Ouais. Par la force de la pensée. Voici les concours du jour pour se rappeler qu'il y a toujours pire que nous dans le monde. Voici des histoires de gens improbables qui font des choses improbables. Ouais. Ça s'est passé, on démarre aux États-Unis. Une femme fait une balade en bateau avec sa famille et voit des baleines nager un peu trop près d'elle. Et là, bah, c'est normal, elle prend peur. Ouais. Et ouais. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle appelle la police pour se plaindre. Oula, mais non. Alors évidemment, la police refuse la plainte parce que clairement, elle peut pas faire grand chose. Bah oui. Voilà, mais ça les a fait marrer, donc ils ont fait tourner l'info qui arrive des États-Unis jusqu'à nous. Et voilà. C'est vrai que c'est rare en garde à vue de croiser une baleine. Voilà. Par exemple. Et après, la question, c'est qu'est-ce qu'elle pensait, la meuf, en faisant bah ça oui. Elle pensait que la police allait arriver et mettre des menottes aux baleines. C'est quoi le... Bon. En Belgique maintenant, des lycéens voient arriver un prof de maths dans leur classe qui se présente comme le remplaçant de celui qu'ils connaissent. Ouais. Mmh. Problème numéro 1. Ce prof est totalement bourré. Oh non. Oh. Bah là. Problème numéro 2. Le vrai prof de maths arrive. Oh. Et en fait, l'autre était pas du tout remplaçant. Même mieux, il était pas du tout prof. Il a été arrêté par la police. Oh. Et c'est la troisième fois qu'il fait le coup parce que juste ça le fait marrer. Il y en a qui bourré cherchent à se bagarrer et lui il va cultiver les gens. Ah c'est non, bon. Il ne cultive personne. Alors là, c'est vraiment il fait rien du tout, lui. Dernier concours du jour, nous allons aux États-Unis parce qu'il y a toujours des concours du jour aux États-Unis. Ouais. Un homme de 44 ans qui s'appelle Barton Bishop a été arrêté en juillet pour avoir volé des nains de jardin. Ouais. Il allait dans les jardins des gens et il volait des nains de jardin. Pas deux, pas trois, des dizaines de nains de jardin. Oh, le procès, parce qu'il y a eu un procès quand même. Le procès de Barton avait lieu il y a quelques jours. Attention quand même, 67 nains de jardin vendus, volés. Et le problème, c'est pas un crime monumental. Mais le problème, c'est que notre ami Barton Bishop ne s'est pas présenté au tribunal. Waouh. Ah ouais. Et aux États-Unis, quand tu ne te présentes pas à ton procès, il y a ce qu'on appelle, vous avez vu ça dans les films, un mandat d'arrêt contre lui. Oh, ah ouais. Sauf qu'en général, les mandats d'arrêt, c'est contre des mecs qui ont vraiment fait des énormes conneries et qui sont en fuite. Bah ouais. J'imagine une photo avec les 67 nains de jardin derrière lui, un photomontage un peu chelou. Eh bien, écoutez, ce mec est le premier homme aux États-Unis à avoir un mandat d'arrêt contre lui pour avoir volé des nains de jardin. C'est dingue. Il est considéré aux États-Unis comme un fugitif. C'est ouf. Le Bonnie and Clyde des nains de jardin. Ouais, exactement. On n'en fera pas un film, mais c'est fou. Hein. C'est fou. Très bon choix de vie de cet homme. Qui va être arrêté. On en reparlera évidemment dans l'émission. Ah, oui. Allez, 8h15, on revient tout de suite. On va écouter Jonas Blue et on va écouter aussi vos messages que vous nous envoyez sur l'application Manu dans le 6-9. A tout de suite. Manu dans le 6-9. Sur Énergie. Enfant des villes ou enfant des foins, on se fait tous une île pour aller bien à l'horizon. Pas de boulot, c'est pas qu'on est con, non, c'est qu'on l'est trop. Alors on traque un peu de joie pour porter le sac quand ça va pas. Et demain l'horloge s'arrêtera, comme dirait Georges, ça va de soi. On ira faire la fête, on ira faire les rois, pour se vider la tête, tout oublier tu vois. On ira faire la fête, on ira faire les rois, pour se vider la tête, pour oublier. Le temps qu'on passe à pleurer s'amoncelle dans nos valises. C'est du temps qui casse le dos, qui nous le brise. Oublier l'horloge qui tourne et nous tue, comme dirait Georges, bien entendu. On ira faire la fête, on ira faire les rois, pour se vider la tête, tout oublier tu vois. On ira faire la fête, on ira faire les rois, pour se vider la tête. Pour oublier, pour oublier, pour oublier, pour oublier. Il n'y a plus ni futur ni passé, il n'y a plus ni futur ni passé, il n'y a plus ni futur ni passé. Danser, danser. Faire les rois, pour se vider la tête, tout oublier tu vois. On ira faire la fête, on ira faire les rois, pour se vider la tête, oh, pour oublier, pour oublier, oui, pour oublier, pour oublier. Y'a plus ni futur ni passé, y'a plus ni futur ni passé, y'a plus ni futur ni passé. Danser. Bonjour, c'est Michel Simès. Je suis médecin, mais en ce qui concerne Manu, comment dire, c'est pas un médecin qu'il faut pour soigner. Ce qu'il a, c'est un magicien et un bon en plus. Hein. Manu dans le 6-9. Manu dans le 6-9 sur Énergie. J'adore Michel Simès. Ouais. Alors, il fait plus le magazine de la santé, mais il va faire une nouvelle émission. C'est alors un talk show autour de la santé, ouais, avec des invités qui vont venir parler de leur santé. Génial. Ah, c'est genre cool. Des stars qui vont dire, bah oui, moi effectivement, j'ai une tendance à la gastro. Moi, je sais pas comment ça se passe. Non, je pense que ce sera mieux que ça. Restez avec nous. Oui. C'est le mercredi 31 octobre à 22h55. Alors, ce qui est, l'émission devait s'appeler Un suppo et au lit. Non, c'est pas génial. C'est vachement. Il est drôle, Michel Simès. Ah ouais. Ouais. Et en fait, apparemment, ça a dû coincer quelque part, c'est bien de le dire. Ouais. Et ça s'appelle Ça ne sortira pas d'ici. Ah, ce qui est quand même un rapport avec le suppo. Et tu sais quoi? Je connais un petit peu Michel Simès. Ouais. Ouais. C'est un mec qui est très drôle. Et je pense qu'il a essayé de le faire dire, de faire passer à France 2 un suppo et au lit. Ouais. Ils ont dit non, c'est un peu trop graveleux. Il a dit ok, ça ne sortira pas d'ici. Et France 2 a compris, évidemment, dans la salle du médecin. Ouais. Mais en fait, il parle clairement du suppo. Ouais. Ce mec est un génie. 8h20, Jonas Blue sur Énergie. Juste après, on va lire les messages que vous nous laissez sur les réseaux sociaux. Et puis, on va écouter aussi les messages que vous nous envoyez sur l'application Manu dans le 6-9. C'est Nico qui lit tout, qui écoute tout, qui le partage avec nous. Et attention, un vrai gros débat dans 3 minutes autour du fromage fondu. Ah. Hey. Hey. Hey. Alors, on est là, hein. Il est où Macron? Les vrais débats, ils sont ici. They gonna ride, ride, ride, ride, ride till we fall. They say we got no, no, no, no future at all. They wanna keep, keep, keep us out, can't hold us down anymore. We gonna ride, ride, ride, ride, ride till we fall. When we hit the bottom. Écoutez le titre qui nous rend classe. No promises, Calvin Harris. T'écoutes ça, T'es en costard. Ouais. Sans avoir eu à acheter de costard. Ça arrive pour vous, mais avant ça, on lit les messages que vous nous laissez sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, et on écoute les messages vocaux que vous nous envoyez sur notre application. C'est Nico qui s'en occupe. Hier, à la même heure, Manu, tu nous as donné une liste des choses qui nous stressent au quotidien. Ah oui, on a fait ça hier ? Ouais, hier, Et entre autres, il y avait par exemple quand Internet devient lent sans raison. Ah oui, c'est vrai. Ouais. C'est insupportable. Quand tu regardes une vidéo et d'un coup, ça tourne, là, le sablier. Ouais. Alors, de qui se moque-t-on ? Ok. Wow. Bon. Sur Facebook, il y a Sandra qui dit quand je suis dans le sas de l'entrée d'une banque. Mais c'est vrai que c'est stressant aussi. Ouais. Quand l'autre il appuie pas sur le bouton et que tu te retrouves coincé là-dedans. Ouais, c'est ça, tu dois attendre que l'autre porte se ferme, tu dis est-ce qu'ils vont m'ouvrir ou pas quoi. Mais oui, il paraît qu'il y a des gens, ils ont vécu 4 ans dedans. Ouais. Un autre moment stressant, il y a Pierre qui nous dit quand quelqu'un tape à ma porte alors que j'attends personne, j'ai toujours peur que ce soit la police. Mais alors, mais tu sais quoi ? C'est vrai. Quand t'es chez toi, peinard, et que d'un coup ça fait ding dong. Pourquoi ? Moi, maintenant là, je commence à avoir un peu peur et je dis c'est qui ? C'est vrai que là, tu fais fuir les gens. C'est qui ? Bon, un truc qui nous stresse au quotidien, il y a Romain sur Twitter qui dit les trois premières secondes où je fais le plein, j'ai un doute sur est-ce que j'ai mis le bon carburant ou pas. Oh le stress. Alors tu sais quoi ? Je pense qu'il a été traumatisé parce que un jour ça lui est arrivé. Parce que moi un jour ça m'est arrivé, j'ai rempli le réservoir d'essence avec le mauvais carburant et le truc c'est que t'es bloqué. Ah bah oui. Tu ne peux plus rien faire. T'es obligé d'appeler une dépanneuse, c'est un enfer. Ouais. Courage à toi Romain. Et un dernier message, c'est la maman qui parle. Céline nous dit quand je dis à table et que mes enfants ne viennent pas. C'est stressant, apparemment. C'est plus que stressant, c'est hyper énervant. C'est chaud, tu t'es donné du mal, tu dis à table, personne ne vient jamais. Mais s'ils viennent pas 5 minutes, après, s'ils viennent pas pendant 2 ans, là, effectivement. Ouais. Là, c'est qu'il y a peut-être un problème. Mais 2 minutes, bon. C'est trop long. Bon, tous les jours, on écoute les messages vocaux que vous nous laissez sur notre application, Manu en 6-9, et on démarre avec une question existentielle de saison. Salut les ouin-ouin. Alors, vous êtes plutôt tartiflette, raclette ou fondue ? Manu, on est d'accord, hein ? C'est tartiflette. Allez, bisous. Bisous à toi. Mais avant la tartiflette, le bisou. Je crois qu'entre les trois, pour moi, c'est tartiflette. Ah ouais ? C'est dur, moi, c'est raclette, moi. Ok, Paulette ? Ah, je suis fondue. Oh, et on va, ok. Ah ouais. Vous savez quoi, ce soir, on bouffe chacun chez nous. Bon, un homme maintenant qui a besoin de soutien. Salut Manu, salut les ouin-ouin. Écoutez, je voulais savoir, est-ce que je suis le seul homme qui va systématiquement chez la plus jolie des caissières, et cela, même s'il y a du monde. Oh. Alors voilà, je vais vous demander d'être très honnête. Ouais. Très honnêtement, quand il y a plusieurs caisses, mm-hmm. et que vous voyez les caissières, est-ce que vous n'allez pas là où, vous, où pour vous, c'est la fille qui est jolie ? Honnêtement, en étant très honnête, je vais dire oui. C'est vrai ? Ouais. Ouais. Ah ouais. Non mais vrai, mais pas tout le temps, mais il y a des fois je vois une caissière qui est jolie. Ouais. Ouais. Surtout que je vous rappelle que je suis célibataire de nouveau, ce qu'on appelle on the market. Ouais. Et on sait jamais, ça peut être un coup de foudre. Bah ouais. Ouais. Alors, je suis à Casto discrètement, bim, qu'est-ce que vous faites ? Ouais, je bricole, ouais. Oh, ouais. Non, c'est vrai, on n'est pas pressé quoi. On peut faire un peu l'accueil, il y a pas de souci. Bien sûr. Personnellement, j'ai une vie très très remplie, donc je prends la caisse où il y a vraiment personne. Ouais. C'est chacun c'est pour la mise. Bon alors moi la phrase une vie très très remplie, j'avoue. Bon, un petit dernier message vocal. Apparemment, Manu, t'es pas le seul à oublier les dates d'anniversaire de ta famille. Salut Manu, salut les ouin-ouin. Déjà, bonne journée à vous. Je fais juste ce petit message pour dire à mon père qui vous écoute chaque matin que papa, mon anniversaire c'est dans 3 semaines. C'est mercredi 30. Ne te trompe pas et ne l'oublie pas s'il te plaît. S'il le faut, chaque mercredi, je laisserai un petit message. Voilà. Bisous les ouin-ouin. À mercredi prochain du coup. 8h27, on revient dans 3 minutes, on va écouter Calvin Harris et puis les sondages du matin arrivent. À tout de suite. Manu dans le 6-9. Sur Énergie. C'est Manu. Et les ouin-ouin-ouin. Manu dans le 6-9. Énergie. Alors attention, j'ai fait une connerie, j'ai appuyé sur un mauvais bouton. Je fais beaucoup de conneries ce matin. J'ai cassé un écran tout à l'heure. J'ai appuyé sur un écran de la pub. Alors attends, excuse-moi. Je crois que dans 8 secondes, je vais devoir le faire. Parce que c'est un ordinateur. Donc, si je fais une connerie, ça va pas aller. Attention, je vais tenter de faire un truc. Il est possible qu'on coupe totalement la radio. Attention. Intermarché vous propose d'écouter l'arrivage du jour. Aujourd'hui, le filet de saumon est à 11,90€ le kilo. C'est ça, un prix producteur et commerçant. Et c'est seulement jusqu'à ce soir chez Intermarché. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Élevé en Norvège ou au Royaume-Uni, selon approvisionnement.

Salut Manu, bonjour à tous. Toujours de la pluie ce matin dans le sud-est. Ça ne devrait pas se calmer avant quelques heures encore. Sinon, les orages vont débarquer par l'ouest, cette fois aujourd'hui, pour une journée très mouvementée. À l'est, en revanche, ce sera plutôt agréable, en principe, avec beaucoup de soleil au menu. Les températures restent assez douces pour la saison. Meilleure de la journée, je ferai encore 22 degrés à Montbéliard, 23 à Lille, 23 aussi à Albi. Une personne est portée disparue dans le Var, l'un des quatre départements en vigilance puis inondation ce matin. La victime a été piégée en fait hier dans sa voiture emportée par les eaux. Les autorités demandent de ne pas descendre dans les parkings souterrains aujourd'hui. Et il va pleuvoir encore quelques heures sur les Alpes-Maritimes et la Corse, en vigilance également. Soyez très prudents, les cumuls sont hallucinants. On est environ 300 millions à travers le monde, 300 millions de personnes qui parlent le français selon les chiffres dévoilés hier. C'est 10% de plus qu'il y a 4 ans. Le français se classe au 5e rang des langues les plus utilisées sur la planète, derrière le chinois, l'anglais, l'espagnol et l'arabe. Ça devrait encore progresser dans les prochaines années grâce à l'Afrique notamment. Premier arrivé, premier servi. Les ventes de billets pour la période de Noël ouvrent ce matin sur le site de la SNCF. Plus vous arrivez tôt et plus vous avez de chances de payer moins cher. De véritables superstars, 15 000 fans ont assisté à l'entraînement des Bleus hier à Guingamp. C'est là que les champions du monde joueront en amical ce soir face à l'Islande à 21h au stade du Rodourou. Un match de préparation pour la rencontre de Ligue des Nations mardi à Saint-Denis face à l'Allemagne. Il pourrait presque faire une révolution avec ses millions de fans. Bastille prépare tout doucement son retour avec une tournée et un troisième album dans les cartons pour 2019. D'ici là, le groupe anglais nous fait patienter avec Happier, un single riche en influence à l'image de sa musique, Morgan Barthélémy. Oui, une réussite collective, mais à l'origine un seul membre, le chanteur Dan Smith, né un 14 juillet, notre fête nationale, le Bastille Day, comme on dit chez lui en Angleterre. Avec sa voix à la fois délicate et puissante et son talent pour la composition, il s'entoure très vite de musiciens venus du rock, du hip-hop et même de la scène électro. Un véritable melting pot musical qui fait aujourd'hui l'identité du groupe. À mi-chemin entre Imagine Dragons et les One Republic, Bastille fait évoluer son univers au gré de ses collaborations avec Rag & Bone Man ou plus récemment avec le DJ Marshmello sur Happier. En 8 ans de carrière, les Britanniques ont aussi conquis le public en dehors des salles. Des séries Teen Wolf et Vampire Diaries, aux jeux vidéo comme FIFA et PES, leurs titres se sont fait une place dans la culture populaire. De quoi les aider à remplir tranquillement le Zénith de Paris en mars prochain. Voilà, Bastille en tournée mondiale avant la sortie de son troisième album, Doom Days. Il est attendu au printemps. 8h35, c'est la fin de ce flash. On est un petit peu en retard, jeudi 11 octobre. Bon réveil, bonne matinée sur Énergie, comme chaque matin à 7h06. C'est Manu dans le 6-9 qui continue. Bonne journée. La taille du zizi compte. Qu'est-ce qui t'arrive? Ouais. Je vous pose la question. Est-ce que la taille du zizi compte, Paulette? D'une certaine manière, oui. Si on part d'un zizi minuscule. Non, de base normale. D'une base normale? On accepte. Très bien. Isabelle? Manu, je suis désolée, je peux pas comparer. J'en ai connu qu'un dans toute ma vie. Mais il est fabuleux, mais je peux pas comparer. Oh. Fabuleux, il a des guirlandes autour. Okay. Elle en parle comme d'une œuvre d'art. J'aimerais bien le voir, du coup. Enfin, si c'est un Picasso, c'est chelou. Hein. Pourquoi je vous pose cette question? Parce que j'ai une étude sur la taille du zizi pour savoir si ça compte ou pas. Alors. Parce que souvent, on dit, est-ce que la taille du zizi compte? Ouais. Alors, vas-y. Selon une nouvelle étude britannique, alors que plein d'autres études disent le contraire, eh bien si. La taille du zizi compte. Pourquoi? Parce que les chercheurs ont découvert que plus le zizi est petit, moins un homme a de chances de réussir à faire un enfant. Ah ouais? Ah oui. Oui. Ils ont fait ça. Bah oui, pourquoi Glandu? Bah si, parce qu'il envoie les spermatozoïdes de moins loin. Et ben, tu vois, non mais c'est vrai. Oui, c'est pas con. Bah oui. Ah ouais. Alors, ils expliquent que seulement 1 centimètre pourrait tout changer. Ouais, ouais. Et voilà. Glandu, mais elle a quand même bien calé sur le sujet. C'est assez. Je vais dire un truc. Ouais. C'est surtout que. Ils disent donc que si t'as un petit zizi, t'as moins de chances d'avoir un enfant. Ouais. J'ai un enfant. Ouais. Yes! Ouais! Nico Glandu. Ouais. Désolé les mecs. Attends, j'y vais. Alors. Moi aussi je peux en faire. Ah ben tu peux, mais tu l'as pas fait. Hein. Tu peux. Ouais. 1 centimètre pourrait changer ta vie. Ouais. C'est pas moi qui le dis, c'est l'étude britannique. Ouais. Allez, 8h37, on va s'écouter Calvin Harris. On est là avec vous pour démarrer la journée. Il y a Isabelle, il y a Paulette, il y a moi, il y a les deux petits zizi. On est bien. Soyez les bienvenus sur Énergie. Les sondages du matin arrivent dans 2 minutes. Are you drunk enough? Gonna judge what I'm doing. Are you high enough to excuse that I'm ruined? 'Cause I'm ruined. Is it late enough for you to come and stay over? 'Cause we're free to love, so tease me. Ooh. I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything. Tonight. I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air, there ain't no science here, so don't get your everything. Tonight. Tonight. You acting tonight. Is it loud or no? 'Cause my body is calling for you, calling for you. I need someone to do the things that I do. I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything. Tonight. I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything. Tonight. Tonight. I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything. Tonight. I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Tonight. 8h40. Bienvenue sur Énergie, on va écouter Soprano le dernier, il y aura aussi Aya Nakamura avant 9h et tout de suite comme chaque jour. C'est les sondages du matin. Allez, 46% des employés, soit quasiment un employé sur deux, aimeraient avoir un temps pour ça dans sa journée de travail. De quoi il s'agit, Isabelle ? Aller faire 2-3 petites courses rapidos et revenir. Oui. C'est pas ça ? Tu l'as dans ta pause déjeuner, tout ça. Tu ouais. Ah ouais, ouais, non, mais tu déjeunes aussi. D'accord. Ah bah oui. Tu déjeunes, tu vas faire tes courses, voilà. Ensuite tu viens dire au revoir à tout le monde après. Glandu. Regardez un épisode de série. Non, c'est pas ça, c'est pas con. Ouais. Déjeuner avec des potes. Non. Tu le fais sur ton lieu de travail ou à l'extérieur ? Eux voudraient le faire sur leur lieu de travail. Ah. Mais dans certaines entreprises, il y a un lieu pour faire ça. Oh, une salle de jeu ? Jouer ? Non. Se faire masser ? Non. Faire des siestes ? Exactement. Ah, ah, un employé sur deux aimerait avoir un temps pour ça dans sa journée de travail, faire des siestes. Moi, c'est quasiment dealé dans mon contrat. Hein. C'est... c'est ça. C'est quand même la meuf qui fait le plus de siestes au monde. Ouais. Alors attention, eux, ils parlent de siestes de 20 minutes, de 40 minutes. Ah, non. Toi, on parle pas de nuit, hein, Paulette. Moi, c'est minimum 2 heures, sinon ça n'a servi à rien. Avec une nuit de 8 heures avant. Ah bah bien sûr. Non, Paulette, c'est quand elle parle de la radio, elle dit « Ah, j'ai bien bossé 20 minutes. » Tu veux dire non, tu veux dire une c'est sieste ? Non, non, bosser. C'est génial, essayez ça. Hein. C'est hyper. Vous mettez à un bureau, vous ouvrez les yeux, vous vous dites « Je bosse 20 minutes » et au bout de 20 minutes, waouh ! Ça s'appelle le micro-travail. En moyenne, on n'utilise pas 85% d'entre elles. Et pourtant. Les applis sur notre téléphone. Ah, c'est pas con. Ouais. Oh, tu me surprends. Ah, merci. Oh. Bah non, pas merci, non. Bah non. Non. Là, tu me surprends plus. C'est pas ça, Glandu. Les pinces à linge qu'on a chez nous. Non. Bah c'est vrai, t'as dit ce que mais non, vous avez jamais fait la réflexion. Ça sent le mec qui a acheté des pinces à linge en disant ça va me servir et qui les utilise pas. J'ai un panier. C'est pas ça. Nos assiettes. Nos assiettes, non. C'est un objet que tu trouves dans la maison ou pas du tout? C'est pas un objet. Oh. Celle qui est le plus proche pour l'instant, c'est Isabelle avec ses applis. Ah ouais. Mais mais c'est dans la maison ou tu peux l'avoir ailleurs? Tu peux l'avoir aussi ailleurs, mais là c'est vrai, c'est dans la maison, c'est chez soi. C'est un jeu? Non. Ça serait pas par exemple des chaînes de télé qu'on aurait trop? On en aurait trop. Par exemple? Par exemple, c'est ça. Ah bah super, tu vois. Et là je t'ai surpris. Ah oui, là vraiment pour le coup. Je demande si, je regarde si t'as pas le reflet de mon ordinateur devant toi. Pour avoir la réponse. En moyenne, on n'utilise pas 85% des chaînes de télé qu'on a. Ouais, c'est vrai. Mais parce qu'on a des centaines de enfin, sur les des fois, tu zappes, t'arrives pas jusqu'à la fin, tu t'endors devant, quoi. Ouais. T'arrives 984, 985. Et à la fin, j'aime bien, t'as les chaînes russes, allemandes, italiennes. C'est génial, bah, une bonne chaîne allemande le soir pour faire. Allemande soirée, c'est bien sûr, bah, invite des potes, hein. Pour 2% des gens, c'est le métier le plus sexy au monde. Pour 2% des gens, c'est pas beaucoup. C'est le métier le plus sexy au monde, Nico. Huissier. C'est pas ça. Chauffeur poids lourd. Non plus. Les gens qui travaillent dans la bourse. Non. Boucher. C'est pas boucher. C'est un truc un peu glauque ou pas? Oui. Ouais. Ah, j'allais dire antiquaire, c'est pas glauque. Non mais antiquaire, on se rapproche de la mort quand même. Hein. Un petit peu, ouais. Pour 2% des gens, c'est le métier le plus sexy au monde. J'embrasse les antiquaires. Ouais. Et c'était croque-mort. Ah oui. Ouais, t'imagines un enterrement sexy. Trop gênant. Ouais. Madame, là chez moi c'est mon genou, je suis en train de parler de feu votre mari. Mais non, mais c'est le costume noir. Ça fait, il y a quelque chose de chic. Avec l'uniforme. Ouais, moi j'aime bien. Oh bah soit elle va avoir un draguin serveur. Mais c'est vrai que quand ton mec est croque-mort, t'as pas trop besoin d'être jaloux, quoi, parce que tu sais qu'au travail potentiellement il a pas trop le temps de draguer, quoi. C'est normalement quoi, c'est chaud, quoi. C'est rare. Tu sais pas, t'as la femme du défunt, tu vois. Il peut y avoir des coups de foudre. C'est pas approprié. Non, ça se fait pas. Non, pas la femme de. Mais non. Non. Bah non, bah peut y avoir une histoire. Non, avec la cousine de la femme. Elle change. Ça sent la meuf qui. C'est quoi, ça sent la meuf qui a une histoire mais qui veut pas la raconter. Vous savez quoi? J'aime quand. Ça fait très longtemps qu'on l'a pas fait. J'aime quand vous nous racontez vos histoires de métier. Vous travaillez. Bah, croque-mort. Hein. Ouais, vous êtes croque-mort, vous êtes dans le funéraire. Ouais. Venez nous raconter l'histoire la plus dingue que vous avez connue. Ah ouais. Peut-être un mort qui s'est réveillé au milieu. Oula. Oh non. Oh, ce serait ouf. 0-870-42-48. Appelez-nous. Croque la vie, tu es croque-mort. Raconte-nous ton histoire. On vous prend au téléphone à Soprano. Ouais. Croque la vie, croque-mort. Raconte-nous ton histoire. Ma maman dit la vie n'est pas facile, mais plus facile avec un grand sourire. Donc je souris quand j'ai mal à la vie, car ma maman dit qu'il y a toujours plus maudit. Elle m'a dit donne ça, ça t'en remercie. Vis ta vie comme une jeunesse infinie, tends toujours la main aux plus démunis. Avant d'être important, sois un homme utile. Elle m'a dit aussi qu'ici tout est fragile. Si tout s'écroule, tu reconstruis, c'est comme ça la vie. Oui, combien de douleurs indélébiles, combien au paradis. On vit avec cette mélancolie, c'est comme ça la vie. Maman m'a dit danse, danse à la vie, à l'amour. Danse, danse à la vie, à l'amour. Danse, danse à la vie, à l'amour. Danse, danse. Ma maman qui t'a jamais oublié. D'où je venais, mais surtout qui j'étais. On avait peu, mais on savait donner. Elle m'a toujours dit chez nous, l'accueil est inné. Sauf que tu es, te laisse pas colorier. Beaucoup sont morts pour cette liberté. Ne salis pas tout ce qu'on a sué, mais surtout ne te fais pas marcher sur les pieds. Ma maman m'a dit le monde, il est fêlé. Change avec ton humanité, c'est comme ça la vie. Oui, offre le monde à ta moitié et à tes héritiers. Offre ta vie entière à les aimer, c'est comme ça la vie. Ma maman m'a dit laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï. Danse, danse à la vie, à l'amour. J'ai dit bienvenue sur Énergie. 8h48, on va écouter Aya Nakamura dans 3 minutes. Mais avant ça, croque la vie si t'es croque-mort. Ouais. Pour 2% des gens, c'est le métier le plus sexy au monde, croque-mort. Mmh. Eh oui. Ouais. Voilà. Tu le savais pas ça, Jean, hein? Oui. Ah, si, tu le savais, d'accord. Je l'ai cueilli. Jean, bonjour. Bonjour Manu, salut les Wouin. Je vous ai demandé de nous appeler si vous étiez dans le milieu funéraire, si vous travailliez comme ça, si vous étiez croque la vie, croque la mort. Ouais. Et Jean nous a appelé. Tu fais quoi exactement? Alors moi je suis agent funéraire. D'accord, donc c'est toi qui ouvre la grosse voiture. Vous avez des grosses voitures quand même. Hein. Ah ouais, voilà, c'est ça. Et qui porte les cercueils et tout. Voilà, c'est ça. C'est lourd? Ça dépend, mais parfois oui, c'est bien lourd. Ouais. Et il n'y a jamais un moment où tu as failli faire tomber? Non, non, non. Ah, on est costaud, ça va. Ah. Ouais. Quelqu'un qui est un peu en surpoids, il a un gros cercueil du coup? Je pose vraiment la question. Oui, le cercueil est un peu plus gros, mais pas forcément l'épaisseur. Hein. Ah ouais. Ah, ok. D'accord. C'est gênant. C'est très gênant. Ça me fait peur. J'ai l'impression d'être dans un clip de Mylène Farmer. Après, c'est vrai qu'il faut pas le dire ça quand on prend le cercueil, dire putain qu'il est lourd. Voilà, c'est ça. Oh le gros plein de soupe. Oh la vache. Voyons, c'est vous la veuve? Je sais pas comment vous faisiez, hein, mais. Oh, non. Oh la vache. Oh mais non, il est mort après le repas lui, hein. Et il a pris une fois du dessert, hein. C'est pas possible ça. Un peu de respect pour ce pauvre monsieur quand même. Oh, Jean, merci de nous avoir appelé. On vous a demandé de nous appeler si vous étiez dans le milieu funéraire pour nous raconter votre histoire. Mmh. Des histoires, ouais, qui sont arrivées. On t'écoute, tiens. Alors, une fois, nous, avec les collègues, on est partis à l'église pour un service religieux. Et donc, on met tout en place, le cercueil, les fleurs, le bénitier, tout ça. Et 10 minutes avant la cérémonie, on s'est aperçu qu'on s'était trompé d'église. Oh, mais merde. Ou la boulette. Donc, voilà, tout remettre le cercueil dans le véhicule, recharger le matériel, et puis courir jusqu'à l'autre église pour enfin rencontrer la famille. Et là, t'arrives, t'es en sueur, t'en peux plus, t'es en âge, tu speed le cercueil, tu le prends à la 1, à la 2, à la 3. Waouh, dur. Ah, mais t'imagines tous les gens, il se fait désirer, Patrick, hein, il vient pas. Allez, tout le monde, Patrick. Et là, t'as Jean qui arrive, il dit on attend pas Patrick. Merci de nous avoir appelé, Jean. Te souhaite une belle journée. Laura, bonjour. Salut Manu, salut les Wouin. Laura, toi aussi, tu es croque la vie, croque la mort. Tout à fait. Tu fais quoi exactement, toi? Je suis conseiller funéraire et maître de cérémonie. D'accord, tu portes pas les cercueils, toi? Non. T'as pas le problème de Patrick qui a mangé deux fois le dessert, quoi? Non, c'est ça. D'accord. Quelle est ton histoire? On n'a aucun respect. Hein, c'est pas bien. C'est pas bien. Ce qu'on fait, c'est pas bien. Ah ouais, non, c'est pas beau. Pardon, Laura, on t'écoute. Mais tu sais quoi, Laura, honnêtement, vous êtes forcément, comme vous ne travaillez qu'avec des gens qui sont tristes toute la journée, forcément, il y a un moment, il faut que ça sorte, tout ouais. Ça. Ça sort. Non, c'est un choix de métier. Après, ça n'empêche pas de croquer la vie. Voilà. Exactement. On peut être croque-mort et croquer la vie. Tout à fait. Elle est où la guitare? On n'a pas la guitare. Si. Non mais c'est vrai, bien sûr. Mais c'est important. Tu sais quoi? Et c'est important parce que pour nous, on se dit waouh, c'est dur et tout. Mais eux, ouais, ils ont besoin aussi de se détendre. Croque la vie, croque la mort. Attends. Je croque la vie, moi le croque-mort. Je croque la vie. Ouais. Après moi, Laura. Je croque la vie, moi le croque-mort. À toi. Je croque la vie, moi le croque-mort. Ah ouais. Croque la vie. Ah. Croque la vie. Croque, croque, croque-mort. Croque, croque, croque-mort. Et voilà. Oh là là. Excellent. Vous savez quoi, si on mettait cette petite chanson aux enterrements, franchement, ce serait plus sympa. Laura, quelle est ton histoire? Alors, une histoire bizarre que j'ai eue. J'ai une famille qui m'a demandé une fois de mettre un coussin péteur dans le cercueil. Tout simplement parce que, la personne faisait beaucoup de proutes. Mais non. Et du coup, voilà, on a eu droit à cette petite demande. Mais attends, ils l'ont fait en se disant que ça allait faire rire, ou ils l'ont fait très sérieusement? C'est quoi l'histoire? Non, non, c'était tout à fait sérieux, mais la personne défunte, avait beaucoup de gaz, beaucoup de croûte. Et du coup, ils nous ont demandé de mettre ça. C'était un petit rappel pour lui, quoi. Mais t'imagines le discours?